sun's rays. What's left to do to feel it all? You're alive now, to die is dust. Nothing less or something more. Plaisir. Il me rappelle un peu les vacances de cet été. Il a encore un petit... Il a une petite odeur de mojito encore, ce morceau. Ouais, c'est vrai. Il est en train de se transformer petit à petit en soupe à la tomate et en hiver. Oh. Mais il a encore un petit peu le goût de mojito, vraiment. Oh. Bonjour tout le monde, mercredi 21 septembre, j'espère que ça va bien. Vous avez choisi Fun Radio, mais vous faites bien. L'équipe de Bruno dans la radio est là, on va arriver là dans quelques secondes. Il y a Christina, il y a Vacher, il y a Elliot, il y a la team du JPI qui est là, qui est en train de se montrer des trucs sur son téléphone portable. Bonjour. On regarde Snapchat. Ah très bien, ok. Il y a la team du web, il y a Nick Louche là, qui est là, qui est en train de mettre en ligne la photo du jour. Une photo du jour qu'on vous met sur la page Facebook qui est un petit peu bizarre. Si vous allez voir, il y a des intrus qui se sont logés dedans. Je ne vous en dis pas plus. On va attaquer l'émission avec Sib. Brice, ça arrive. Il y a Fonf qui réalise cette émission. Ça va, ma Fonfinette? Ah, quand même. Oui, ça va. Pitbull Florida, ça arrive. L'équipe du Standard, Amélie Nouzman, ça va bien? Il y aura Robin Schulz également. Robin Schulz! 32-28 pour faire de la radio avec nous. Vous êtes en Belgique, vous avez votre numéro 02 85 10 000. Vous vous en servez pour jouer au tout ou gagner, tout ou perdu. Dans 10 minutes, entre autres, à gagner un iPad mini 4. On débarque chez vous après les news. Fun Radio. Le son Dance Floor. Et on commence avec les infos de ce mercredi 21 septembre. Maxime Poulaouec pour les news. Salut Maxime. Bonjour Bruno. On commence avec la météo. Oui, ça s'améliore dans le ciel. Le soleil qui fait son retour sous forme d'éclaircies sur l'ensemble de la France. Ce sera plus généreux du sud de l'Aquitaine au Languedoc. Les Alpes à la Corse, en revanche, des averses orageuses pourront éclater. Il fait frais ce matin, 9 à 13 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 18 à Brest, 19 à Dunkerque, 21 à Lyon, 22 à Tours et Nantes, 23 à Paris, 24 degrés à Bordeaux, 26 à Perpignan. Nouvelles interpellations après la fausse alerte attentat à Paris. Deux jeunes de 14 et 17 ans ont été arrêtés hier en Lozère et en Vendée. Les enquêteurs cherchent à déterminer leur rôle dans le canular. Le premier ado de 16 ans entendu depuis lundi et originaire de la Marne a reconnu son implication dans les faits. Vous êtes motard, eh bien vous devrez bientôt apporter un nouvel équipement. Le port de gants va devenir obligatoire pour les conducteurs et les passagers de moto et de scooter à partir du 20 novembre. La sécurité routière souhaite limiter les blessures graves aux mains et aux avant-bras. L'absence du port de gants homologué pourrait être punie par une amende de 68 euros et la perte d'un point du permis de conduire pour le pilote. On les croyait inséparables et pourtant Angelina Jolie et Brad Pitt vont divorcer. L'actrice de 41 ans évoquerait les différences irréconciliables et exigerait la garde de leurs 6 enfants. Elle reprocherait à Brad ses méthodes d'éducation strictes et son comportement sous l'effet de l'alcool. Le couple Brangelina s'était rencontré en 2004 sur le tournage du film Mr. and Mrs. Smith. Le football, on jouait des matchs avancés de la 6e journée de Ligue 1 hier soir. Toulouse est allé battre Lille 2-1, ce qu'il n'avait pas fait depuis 10 ans. Et le PSG s'est imposé 3-0 contre Dijon. Paris prend provisoirement la tête du championnat avant le match de Monaco ce soir à Nice. Le derby de la Côte d'Azur, ce sera à 19h, assure également Rennes contre Marseille à 21h. Il est 6h02, on démarre avec tout de suite toute l'équipe de Bruno dans la radio sur Fun. Fun Radio. Mercredi, c'est le 21 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez. Bonjour! Bonjour! Les amis, avant de dire bonjour, avant d'attaquer cette émission, avant d'écouter de la musique, avant de faire des jeux, excusez-moi, mais il faut attaquer par quelque chose. Monsieur, là, la Terre s'est arrêtée de tourner hier. Oh là, moi, comment vous dire, moi, je ne vis plus. Je ne vis plus depuis hier soir. J'ai pas mangé. J'ai pas voulu regarder la télévision. J'ai dormi, mais difficilement. J'ai pleuré, moi. C'est cette info, mais je comprends. Je suis arrivé ce matin, je t'ai vu, t'étais levé sur le canapé du bureau en transe. Ouais. Christina est la spécialiste people de l'émission. Les alertes people peuvent tomber n'importe quand. Ça a été le tsunami hier soir. Brad Pitt et Angelina Jolie se séparent. Alors, c'est Angelina Jolie qui demande le divorce. Ça, c'est important dans l'info. Ils s'étaient rencontrés en 2004. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était oui. sur le tournage de Mr. et Mrs. Smith. Oui. Et à l'époque, Brad Pitt était marié à Jennifer Aniston. Qui est très contente hein, depuis hier. Écoute, je ne sais pas. Il paraît qu'elle boit shot de vodka sur shot de vodka. Très ravie. Alors, quelle est la vraie raison dans tout ça? On ne sait pas. Alors, il paraît que Brad piquerait trop de colère, qu'il consommerait trop d'alcool, trop de cannabis. Et donc, l'actrice voudrait protéger ses enfants. C'est la version qu'elle a donnée à son avocat. Elle demande la garde de ses 6 enfants, puisque Brad est reconnu père des 6. Ouais. Lui, il aura juste un droit de visite, pour l'instant. Je pense que c'est une grande bataille qui commence. Et alors, ce matin, il commence à avoir un petit peu des rumeurs de partout. Moi, et alors, j'ai lu l'histoire avec Marion Cotillard, qui serait en fait enceinte de Brad Pitt. Oh. Quoi ? Exactement. J'ai lu ça, moi, alors, j'ai lu ça, je te jure. Mais attends, mais le monde des people est complètement fou, La presse britannique dit que Marion Cotillard serait enceinte de son deuxième enfant, et donc que le père de Brad Pitt... Enfin, que Brad Pitt serait le père. Alors, c'est faux, hein. Elle a démenti, c'est absolument faux. Et ils se séparent pas du tout parce qu'ils se trompent mutuellement. Rien du tout. C'est vraiment Brad Pitt qui aura un problème avec l'alcool et le cannabis. T'es un peu déçu parce que moi, l'histoire avec la coucherie avec Marion Cotillard, ça m'a chauffé. Oui, Elliot. Marion Cotillard, c'est pas une Marie couche-toi là. Elle est toujours avec Guillaume Canet. Attends, tu l'as vu dans le film Taxi Comment elle était allumeuse déjà Avec Monsieur Nasseri. Alors, elle couchait avec Nasseri, mais elle draguait tout ce qui passait. Hein. C'est les gendarmes et tout le bazar. Elle est habillée sacrément court. Sim, c'est ce qui arrive là dans quelques secondes. Bon, vous l'avez compris, toute l'équipe de Bruno dans la radio est là. On est en pleine forme. C'était bien de commencer avec ça parce que tout le monde va en parler ce matin. Et maintenant, nous pouvons accueillir l'auditeur du jour. Il habite à Metz. Applaudissements pour Jonathan. Oui. Bravo. Jonathan dans la radio. Oh. Bruno dans la radio. Jen, tu fais quoi dans la vie du côté de Metz, mon pote? Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bah, je suis technicien dans le bâtiment, je travaille sur les portes automatiques. D'accord, et bah, bonjour à toute la Moselle, là. Vous êtes nombreux, vous écoutez. Bonjour à tout le monde. En Moselle avec Fun Radio. Jonathan, t'es l'auditeur du jour, ça veut dire que jusqu'à 9h du matin, t'es prioritaire. Tu veux parler de quoi que ce soit, tu as la ligne directe du standard, et puis tu peux attaquer l'émission avec la fameuse question. La fameuse. La question que tu peux poser à n'importe qui dans l'équipe, et ce n'importe qui est obligé de te répondre la vérité et pas n'importe quoi. D'accord. Eh ben, cette question, ce sera pour toi, Bruno. Oui. Voilà. En fait, je voulais savoir d'où te vient cette haine envers les chats. Alors, déjà et d'une, parce que je suis allergique. D'accord. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a des je suis allergique aux chats. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand un chat est à côté de moi ou il est passé dans une pièce, j'ai les yeux qui gonflent. J'éternue et pour peu qu'un chat me griffe, ça me fait des cicatrices de ouf, d'accord ? Ouais. Et en fait, la première, ça vient de quand j'étais petit. Je me suis fait attaquer par un chat, c'est-à-dire qu'il y avait un chat de mes voisins. Il s'appelait Monté, mes voisins, je vous jure que c'est vrai, ouais. C'est un vrai souvenir. Et tout le monde caressait ce chat, et moi je suis arrivé, j'ai voulu le caresser, et le chat m'a mis un coup de griffe, il m'a arraché une lèvre, un morceau de lèvre, et dans le cou aussi, avec un coup de griffe. Wow. Et là, je me suis dit que les chats étaient des petites putes. Ah d'accord, donc t'es traumatisé en fait. Mais c'est bien de savoir ça, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, t'as envie de donner des coups de pied aux chats, les auditeurs ne comprenaient pas, maintenant on va savoir pourquoi. J'ai pas envie de leur donner des coups de pied, je le ferai pas dans la vérité. Je les aime pas, juste. Voilà. Je sais cuisiner, quoi. Tu partirais pas à Venise avec un chat, par exemple. Ouais, non, mais même si t'aimes un chat, tu pars pas à Venise avec un chat, quoi. Ou alors si, pour le noyer. Mais bon. Est-ce que t'as ta réponse, Jonathan? Ouais, je l'ai, je te remercie. Eh ben, de rien. Tu passes une belle journée, tu reviens quand tu veux. Ouais, ça marche. Merci beaucoup à vous, c'est super génial de vous avoir. Et puis, faites une superbe émission, vous êtes des grands malades, continuez comme ça. Eh ben, tu sais quoi, on va continuer pour toi. Et pour le plaisir d'écouter Sib sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Listen up from your Lewis sur Fun Radio. Le nouveau Pitbull avec Florida, ça s'appelle Green Light. Give me the green light. Ça arrive sur Fun Radio. I'm ready to go. J'adore ce truc. Oh yo yo. Ah bah je chante pas là. Eh, les amis, si j'étais chanteur, bah, je serais pas là. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est un animateur radio, c'est quoi? C'est un chanteur qui n'a pas réussi dans la vie. Puis c'est tout, honnêtement. Est-ce qu'il y a des fans d'Harry Potter dans l'équipe? Honnêtement, faites voir. Fonf qui réalise l'émission. Ouais. Ouais, t'aimes bien Harry Potter? T'es allé voir le truc à Londres? Ouais, j'y suis allé. C'est génial. C'est quoi? Ils ont refait. Non, en fait, c'est les studios où ils ont tourné pas mal de scènes. Il y a la grande pièce d'entrée, là, la salle à manger. Ouais. Et il y a plein d'endroits qu'on revoit dans le film où ils filment les petites maisons. D'accord. Et c'est à ce moment-là, je crois, que Fonf s'est pété la clavicule parce qu'il s'est dit, je vais rentrer dans le poteau du quai, tu vois, comme dans le film. ça a pas trop marché, je crois. C'est ça. La maison des Dursley, c'est là où vit Harry Potter quand il est petit, là. C'est les méchants, ouais. C'est le gros, là. Ah oui, avec la moustache. Ouais, je vois. Qui a le fils qui est gros aussi, il l'aime pas. Vous savez que cette maison avait été mise en vente en 2010. À l'époque, à 250 000 livres. Elle s'est revendue là à 475 000 livres, ce qui correspond à peu près à 555 000 euros, juste parce que c'est la maison des Dursley dans Harry Potter. D'accord. Ah, bah oui, forcément. C'est une vraie maison, tu vois ce que je veux dire. Que tu peux acheter, donc. Après, il faut avoir envie de foutre 555 000 euros dans le délire. Et puis, il faut être fan, je pense aussi. Et il faut être fan aussi. Non, mais après, c'est un investissement sur le long terme. À mon avis, tu peux la revendre encore plus cher d'ici 2-3 ans. Ah, c'est Est-ce sûr. Qu'il y a un endroit ou un truc de film que vous pourriez acheter? Moi, je sais que si j'avais les moyens, si ça existait vraiment, je pourrais acheter la Batcave. Ah ouais, c'est ça. Bah pareil, je suis tout à fait d'accord. Ah oui. La cave de Batman. C'est moi, je rêve d'un truc comme ça, un peu dans une grotte avec plein d'ordinateurs. T'as ta voiture qui serait là et tu sortirais par une cascade. Bon, même si j'ai un Nissan et pas la voiture de Batman, mais ça serait cool quand même. Je sors avec mon Juke. Hop, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vas-y, tac tac. Moi, c'est un peu le même délire que toi. Moi, c'est la base d'Iron Man. Tu sais, dans le grand building en haut. Et puis bon, j'aimerais bien qu'ils me laissent Scarlett Johansson et Gwyneth Paltrow avec, tu vois, le gros truc. Ouais, la totale, quoi, bien ouais, sûr. Voilà, ouais, en fait, les femmes sont des objets, un peu, pour toi, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ouais, elles sont vendues avec la maison, quoi. D'accord. Ouais, super. Mais en parlant de femmes, moi, il y a un truc que j'adore. J'aimerais, moi, tu vois, si on pouvait faire ça, acheter la cabine de Avatar. C'est-à-dire la cabine dans laquelle tu rentres et qui te transforme après en bonhomme bleu, tu vois. C'est-à-dire que le soldat, il rentre dedans et après, il est dans la forêt. Mmh. Parce que j'aimerais aller dans cette forêt parce que je trouve, enfin, je sais pas pourquoi, elle donne envie de faire caca. Non, les filles, et c'est bizarre, mais elle m'excite en fait. Les bleus, ouais. Les filles bleues. Je suis désolé de le dire. Ouais. Et en fait, ouais, j'aimerais vraiment vivre avec ces gens. Je trouve qu'ils sont beaux en fait. Je sais pas l'expliquer, le fait qu'ils soient grands. Enfin, en vrai, je sais qu'ils ont un côté animal, ils ont une queue et tout, comme les chiens. Donc ça peut faire bizarre. Donc je veux pas dire non plus que je suis bizarre à ce point-là. Mais quoi, arrête de à partir du moment où même Elliot, il te juge dans son regard, tu sais que tu viens de dire une énorme connerie. C'est quoi? Sujet d'avant 6h30. Si vous avez un film culte, est-ce qu'il y a un endroit que vous aimeriez acheter en rapport avec un film ou un objet en rapport avec un film, ça marche aussi. C'est vrai qu'on parle souvent de retour vers le futur, t'achètes la DeLorean pour repartir dans le passé. C'est ou dans la le classe. Futur. Ce serait un petit côté kiffant, quoi, tu vois. Et bah, 32-28. Oh putain, c'est vendredi! Non, c'est pas ça que je voulais envoyer, c'était ça. Voilà, vous vous appelez. Et ils sont l'un et l'autre, à côté, sur mon sampleur. Parce que la vérité, c'est que, oh putain, c'est que mercredi. Allez, on fait de la radio ensemble. Pour l'instant, on joue. Imagine la déception des gens qui se sont réveillés pile au moment du « Oh putain, c'est vendredi !» Ils se sont dit « Yes !» Non, calme-toi Michel. Allez, pour jouer avec nous ce matin, direction Périgueux. On est dans le département de la Dordogne ce matin avec Mylène, à la 27 ans. Applaudissements pour Mylène. Bonjour Mylène. Salut Bruno, salut la famille. Ah, et Mylène, on aurait quand même pu mettre un petit Mylène Farmer. Oh non. Ah non. Oh, si. Mais qu'est-ce que vous avez contre Mylène Farmer? Moi, j'aime Mylène Farmer. Mais non. Mais écoute-le dans ta chambre. Non. Mylène, juste et 2 secondes pour se faire plaisir. Monte le son, Franck. On a besoin d'amour. J'aimais bien ça. Moi, ça. Ah, mais ça. J'adorais ce truc. Sa voix aiguë, c'est comme de la kryptonite pour moi. Ça m'arrache les oreilles. C'est quoi? Pour moi, t'aimes pas Mylène Farmer? T'es homophobe. Oh, les raccourcis. C'est pas vrai. T'es contre le mariage pour tous. Bien sûr. T'es contre une civilisation de progrès. C'est ça quand t'aimes pas Mylène Farmer. Bon, Mylène. Oui. Principe du tout ou gagné, tout ou perdu, tu le connais. En arrivant sur l'antenne de Fun Radio, tu viens de gagner un iPad mini 4. Yeah. Je rajoute un appareil photo numérique. Je rajoute le casque Beats et la compile Bruno dans la radio. Ces 4 cadeaux sont à toi. Maintenant, Il faut les garder et pour les garder, il faut répondre correctement à quatre questions que je vais te poser. D'accord ? D'accord, oui. Chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Est-ce que tu es prête ? Ben, oui, si. Tout à fait. C'est la règle. Allez, on y va. Il existe officiellement une attirance sexuelle envers les statues, les poupées ou les mannequins en vitrine des boutiques et on appelle ça l'agalmatophilie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je dirais que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, toutes ces déviances, ça m'angoisse. Mais non. Non, mais à quel c'est moment tu passes devant une vitrine et tu dis waouh, elle est pas mal celle-ci. C'est un délire. Oui, Elliot. Vaché, alors après les personnages d'Avatar, t'as quelque chose à nous avouer ? En fait, j'étais allé au musée Grévin, c'est pas une vanne, quand j'avais 20 ans, ma sœur et mes parents. Et en fait, il y avait la statue. Attention, c'est une statue, mais elle ressemblait à une vraie personne. C'était celle de Jennifer, la chanteuse. Et c'est vrai que pour ceux qui l'ont vue, elle a une poitrine pas mal. Donc j'avais fait semblant de prendre des photos pendant longtemps pour que mes parents me disent oh, il y en a marre, qu'ils avancent. Donc comme ça, j'étais tout seul et j'ai touché. C'est ça. Voilà, voilà. Okay. Oh là là, mais t'es angoissant, vaché. Mais non, mais j'avais 20 ans. Oh. C'est gênant. On enchaîne, Mylène, tu gardes tous tes cadeaux. D'accord. Le grade le plus élevé de la Marine nationale, c'est celui de commandant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Oula. Je dirais que c'est faux. Eh oui, c'est faux. Oh yes. C'est l'amiral, le grade le plus élevé. Il semblait bien qu'il y avait quelque chose au-dessus. Tu gardes tous tes cadeaux. Troisième question. En escrime, des trois disciplines, épée, sabre et fleuret, seule l'épée autorise de toucher toutes les parties du corps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors ça, pour avoir la réponse, je pense qu'il faut regarder la discipline quand c'est joué aux Jeux Olympiques. Donc, est-ce qu'il n'y a que l'épée qui peut toucher toutes les parties du corps ? Au hasard, c'est vrai. Et le hasard fait bien les choses. Bien. Yes. Seulement le tronc pour le fleuret, tout au-dessus de la ceinture pour le sabre, y compris le bras et la tête. Alouette. Dernière question, ma chérie. Oui. Et si jamais tu as la bonne réponse, tu as tous tes cadeaux. D'accord. En plongeon, il existe un championnat du monde de plat en piscine. Déjà fait un plat, le plat c'est que t'éclates le bide sur l'eau. Ça fait bien mal, ouais. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Oh, certainement, oui, je dirais que c'est vrai. C'est Toto gagnant ! Mais oui ! C'est trop bon, ça ! Yeah, trop cool, merci, oh, merci, et... c'est génial. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un Toto gagnant, les amis. C'est trop, trop bon, merci la famille, merci Bruno, je vous adore. Je vous adore. iPad mini 4 plus appareil photo numérique plus casque Beats Solo plus la compile Bruno dans la radio. Ces 4 cadeaux partent chez toi du côté de Périgueux. Yes, c'est génial, merci beaucoup. Super. On te fait des bisous, Mylène. Je vous adore, gros bisous à tout le monde. Gros bisous. Belle journée, bisous. Belle journée à toi. Ouais, t'es contente, ça fait plaisir. Ouais, si c'était une statue, j'aurais touché ça. Pour la reverser. 6h18, c'est Fun Radio, Pitbull tout de suite et Florida. Hi, it's your boy Florida with Bruno on Fun Radio. Mr. 305, Florida and Lunch Money. 3 Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready. Dream. I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Serena Venus, glow a genius. Morgan Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Moi, je dis que ça, c'est de la musique que t'as envie d'écouter avec le bras sur le bord de la portière. Alors oui, on va me dire que je suis plouc, j'en ai rien à foutre. Avec des palmiers, un peu d'air chaud. Bon, après, voilà, t'as pas forcément les papiers si t'habites dans la région de Mulhouse, mais enfin, tu peux mettre le bras quand même à la portière en écoutant Florida, puis t'emmerdes le monde, c'est tout. Robin Schulz, ça arrive sur Fun Radio. Et puis à 6h30, chiffre du jour. Vous pouvez participer là au chiffre du jour ce matin. Quand on était petit, on était 58% à avoir fait la même bêtise. D'après vous, c'était laquelle ? Bêtise de petit, il y en a mille, les amis. Je pense que c'est mettre le feu à quelque chose. Moi, j'ai mis à la moquette, mais ça peut être à n'importe quoi. Moi, je l'ai mis à ma grand-mère, le feu. Quelle horreur ! C'est pas le feu à la moquette. Non, c'est pas ça. Mais ça peut donner l'occasion de parler de nos conneries, des belles conneries qu'on a pu faire quand on était petit. Mais en tout cas, là, celle-ci, on est plus de la moitié à l'avoir fait enfant, 58%. On en parle, 32-28, si vous avez une idée. Je peux filer du cadeau, hein, si vous avez la bonne réponse. Pour l'instant, on fait de la radio ensemble. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls ? Il a la classe ! 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. On parlait de cette maison-là, dans Harry Potter, la maison de la famille Dursley. C'est là où grandit Harry Potter, avec la chouette qui vient amener les lettres. Et puis, en fait, Monsieur Dursley, il est méchant, il les cache, les lettres. Ah bon ? Mais oui, bien sûr. J'ai avec, pas trop vu, moi. Moi, j'ai bien aimé. Avec le gâteau qui flotte, qui s'écrase sur la tête du gamin. Comment il s'appelle le petit bonhomme avec les grandes oreilles, là, au début, là ? Dobby ? Dobby, exactement. Ah, mais c'est là où il dort dans le placard ? Exactement ! Ah, c'est bon, je vois, alors. Et ben donc, cette maison, qui, au départ, valait à peine 250 000 livres, vient d'être vendue plus de 475 000 livres. Tout ça parce qu'elle était dans le film d'Harry Potter. Il faut de l'argent pour l'acheter, mais je disais, si demain, il y a des trucs de cinéma qui était vendable, disponible à la vente, qu'est-ce que vous aimeriez acheter ? Un lieu ou un objet ? Moi, j'avais dit, voilà, la Batcave dans Batman, moi, je serais comme un fou, je serais refait. Moi, je rêvais de ça quand j'étais petit. Avoir une vraie cave avec des trucs, des ordinateurs, machin. J'aurais mis mon scooter dans le délire, enfin, je me serais fait un vrai truc. Hein. Bah, fallait ta mère aurait voulu rentrer, tu disais non, tu rentres pas. T'aurais mis une pancarte d'ailleurs, mais interdit d'entrer. T'as pas pris ton premier appart dans Paris ? Parce que souvent, avec ton budget, c'est ce que t'as, une cave, hein, sans fenêtre. Et tu peux que mettre un ordinateur. C'est quoi le truc qui vous ferait kiffer ? Il y a Florian, il a 15 ans, il habite à Montaigu. Salut Florian ! Salut. Florian, animé d'une joie de vivre, ouais, à toute épreuve. D'ailleurs, on l'invite souvent quand il y a un manque d'ambiance dans une soirée, on se dit on va appeler Florian et ça, il arrive normal. Avec un. Salut. Et derrière, il y a des danseuses brésiliennes, etc. Et yes. Après, Florian prend le micro, monte sur scène, les gens attendent, et là, il prend le micro, il fait « Salut !» Hop, et les gens repartent. Ouais. Hop, ouais. Allez. Ouais. Ça fait bien juste de me réveiller aussi. Ah, ouais. Et après, hop, et allez, attention, il va faire un discours. Il arrive. « Salut ouais. !» C'est l'effet Florian. Salut. On te vanne, Florian. Et Florian, t'arrives à l'antenne à 6h25, tu viens de te réveiller comme beaucoup de Français. Nous, le problème, c'est qu'on est arrivé depuis 3h30, donc forcément, on est un peu plus énervé. Flo, si t'avais la possibilité d'acheter un truc, d'une série ou d'un film, ce serait quoi ? Alors moi, ça serait la cabine de Dr. Who, pour voyager partout dans le monde, dans le passé et le futur. Ouais, ce serait classe. Ah ouais, ça c'est cool. Ouais. Elle est plus pratique que la DeLorean de Retour vers le futur en plus. Tu pourrais aller dans le futur pour aller voir les gens et leur dire « Salut !» Ce serait cool. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'imagines. T'arriverais en 3500, Florian, dans la cabine du Docteur Who. Tu arriverais quelque part aux États-Unis, au milieu de grands buildings, ça s'ouvrirait devant des extraterrestres qui attendraient ton premier mot. Et ton premier mot serait... Salut. J'achète le film. Florian te fait des bisous, mon pote. Bonne nuit. Il y a Estelle qui annonce le saunier, elle a 24 ans. Bonjour Estelle. Salut la famille. Salut. Estelle, qu'est-ce que tu pourrais acheter toi que t'as vu que dans un film? Eh ben le sac de Mary Poppins, le sac sans fond pour pouvoir mettre tout ce qu'on veut dedans. Oh, c'est clair. Réponse de fille. Ah, c'est tellement pratique. Bien sûr. C'est vrai. Parce que j'essaie de faire pareil avec le mien et... Estelle, je suis sûr que t'es comme ma meuf, comme toutes les meufs, c'est-à-dire que vous avez un peu quand même le sac de Mary Poppins, c'est-à-dire des gros sacs où à l'intérieur, il y a tout. Il y a une unité de survie. En cas d'attaque thermonucléaire, je suis sûr que vous avez des trucs pour construire un abri. Écoute, moi je tente un nouveau truc maintenant, j'essaye de prendre des plus petits sacs, mais en fait c'est horrible parce que du coup tu mets un tas de trucs et t'as... quand tu veux sortir quelque chose, du coup il y a trois trucs qui viennent en même temps et c'est une horreur. Donc je sais pas comment on peut faire ma chérie. On t'embrasse Estelle, c'est une bonne idée. Vincent à Nancy, bonjour Vincent. Salut Bruno, salut la famille. Hello. Salut. Vincent, s'il y avait un truc de cinéma, de film que tu pouvais acheter, ce serait quoi? Alors moi ça serait le neurolaser. C'est quoi ça? Ah putain oui, la flashouille! Voilà, la flashouille. Mais oui, bien sûr, dans les plaques. Comme ça, en fait, si tu fais une connerie ou un truc, hop, tu flashouilles la personne, il oublie la connerie. Tu trompes ta femme, hop, elle te dit, mais qu'est-ce que... Ni vu ni connu. Oui. Oh putain, bonne idée. Vincent, meilleure idée du monde. Oui, Elliot. Même pour moi, imagine, je fais une mauvaise blague dans l'émission, ce qui m'arrive très très rarement. Boum, coup de flashouille. Bah oui, ça pourrait marcher. Toi, tu pourrais utiliser la flashouille en sextoy hein, pour que ça ait encore plus d'efficacité, à mon avis. Et il y a un autre truc que personne n'a dit. Moi, j'aimerais bien avoir le sabre laser de Star Wars. Imagine, hop, ça prend pas de place quand c'est plié. Tu le ranges dans ton sac, on te fait chier, hop, tu sors ton sabre laser et là, je peux te dire que personne ne moufte. D'accord, donc en gros, t'es en train de nous dire que t'as envie de tuer des gens, quoi. Non, mais si on m'embête, quoi. Ouais, genre, s'il y a trop de monde à la poste, par exemple, tu tues les gens qui sont devant, comme ça, tu peux aller chercher ton recommandé. Tu te fais agresser en banlieue, tu sors ton sabre laser et regarde l'autre avec son néon, là. C'est un délire. 6h27, la radio que vous écoutez s'appelle Fun Radio. Bon réveil la famille, mercredi, c'est le 21 septembre. Ça fait longtemps, il fait plaisir, ce petit Robin Schulz Sugar. Hi, it's Robin Schulz on Fun Radio. In the ceiling, hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Hey, sugar, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sweet talking lady, love how you entice. Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they call her lies. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifting, drifting, higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Feeling so gifted, sugar, how you get so high? lâche une. Vous restez sur Fun Radio. Dans quelques secondes, Major Lazer, Justin Bieber. Et puis le chiffre du jour. On a été 58% à avoir fait la même connerie quand on était enfant. D'après vous, c'est quoi ? Faire confiance à un prêtre. J'ai parlé à voix haute ou pas ? Pardon, pardon. Excusez-moi. Allez, on en parle juste après les infos sur Fun Radio. À tout de suite. Fun Radio. Le son. Dance. Fleur. Le point sur l'actu de ce mercredi 21 septembre, c'est tout de suite avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous, bienvenue sur Fun. La météo pour débuter, on retrouvera le soleil aujourd'hui sous forme d'éclaircies. Elles seront plus généreuses du Bordelais au Languedoc. Un bémol entre les Alpes et la Corse avec de possibles averses orageuses. Les températures sont en baisse ce matin, 9 à 13 degrés, mais remonteront l'après-midi, 19 à Cherbourg, 20 à Clermont, 21 pour Reims et Lyon, 22 degrés à Nantes et Bayonne, 23 à Paris, 26 à Perpignan. L'enquête progresse après la fausse alerte attentat de samedi à Paris. La police a interpellé hier deux ados de 14 et 17 ans en Lozère et en Vendée. Les enquêteurs cherchent à déterminer leur rôle dans le canular. Le premier ado arrêté lundi dans la Marne a reconnu son implication au cours de sa garde à vue. Nouvel équipement obligatoire pour les motards, les gants à partir du 20 novembre. La sécurité routière souhaite limiter les blessures graves aux mains et aux avant-bras. En cas de non-respect de la consigne, vous risquerez 68 euros d'amende et la perte d'un point sur le permis de conduire. Les lycéens fument et boivent de moins en moins. C'est le constat dressé hier par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies à la suite d'une étude européenne. Depuis 2011, l'usage quotidien de tabac a baissé de 24% et la consommation régulière d'alcool de 30%. La consommation de cannabis, elle n'évolue pas. 8% des élèves du lycée fument un joint régulièrement. Ils s'étaient rencontrés il y a 12 ans sur le tournage d'un film. Angelina Jolie et Brad Pitt vont divorcer. C'est la volonté de l'actrice qui s'inquiète pour le bien de leurs enfants. Des problèmes d'alcool seraient à l'origine de la séparation. Le football est la suite de la 6e journée de Ligue 1 ce soir. Monaco tentera de conserver la tête du championnat chez son voisin de Nice à 19h. Plus tard à 21h, Marseille se rendra à Rennes et essayera de ramener son premier point à l'extérieur de la saison. Hier soir, le PSG s'est imposé contre Dijon 3-0. Victoire de Toulouse 2-1 à Lille. 6h33, bon réveil avec Bruno sur Fun. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Bienvenue sur Fun Radio, mercredi 21 septembre. Vous venez ici pour la première fois. Ouais. Vous êtes plein de clichés. Vous dites, ouais, Fun Radio. On m'a dit, Fun Radio, que la musique, ça cassait un peu les oreilles. Ils ont dit ça au bureau. Ils ont dit, Fun Radio, c'est le son dance floor. Moi, je suis pas très dance, attention. Donc là, vous arrivez ce matin parce que, bon, bah, vous dites, je vais essayer un truc qui m'a pas plu sur une autre radio. Bah, je vous mets ça. Dans la demi-heure, déjà, regardez. Je vous mets ça. Donc là, oui, ça va, j'aime bien. Oui, c'est smooth. Ça passe. C'est qui ? C'est Major Lazer, Justin Bieber, j'aime bien. Il est joli, le petit Justin Bieber. Ensuite, AMT. Oh, ben ça, je connais pas, mais j'aime bien aussi. C'est un peu rythmé. C'est bien. Ah, ben ça, c'est pareil. Ça, c'est Dance Floor. Oh, ben alors, et dis donc. Eh ben, voyez, regardez, déjà la demi-heure qui arrive, vous allez rester avec nous. Il y a l'équipe de Bruno dans la radio qui est là, il y a Christina. Bonjour. Elle a une voix qui est sympathique, elle est souriante dès le réveil, ça fait plaisir. Il y a Vaché. Bonjour, je vais éternuer. Eh ben, il est naturel, au moins c'est quelque chose. C'est une radio où ils essayent pas de faire genre. Il y a Elliot. Bonjour. Bon, ben, on n'attend rien de Elliot. Voilà. Un peu comme quand je prends ma voiture et que je pars au bureau. Je suis neutre. Et ben voilà. Et ben nous sommes votre famille du réveil. Voilà. Et alors on a un truc le matin 6h30, c'est le chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Chiffre du jour, ça permet d'engager la discussion quand vous arrivez à la machine à café au bureau. Voilà, quand vous arrivez dans la cour, au collège. Et t'as entendu le chiffre du jour ce matin ? Chiffre du jour. C'est génial parce qu'on est quasiment tous concernés. Plus d'un Français sur deux, hein. 58% c'est le chiffre du jour. On est 58% petits à avoir fait la même bêtise. Christina disait tout à l'heure avoir mis le feu chez soi. Non. Je pense pas qu'on soit 58%. Un objet, pas forcément à toute la maison. Moi c'était juste un petit bout de moquette. Ouais, mais ne le faites pas chez vous quand même. Bah non, j'ai pas vraiment fait exprès quoi. Un petit bout de moquette, ça peut devenir la maison. Oui, Elliot. C'est vrai que t'as un petit côté pyromane quand t'es. Un petit côté quoi ? Pyromane, ouais. Ah oui, très bien. C'est ce qu'on dit, oui. Ouais, non, mais comme t'avais oublié le haut, pyromane, ça te dérange pas. Je m'amusais à vider des boîtes d'allumettes dans des bougies et hop, ça s'enflammait. Et donc voilà. Et après, ne le faites pas chez vous. Et je m'amusais à prendre un briquet et à mettre de la laque dessus. Non, alors ça. Quoi ? Alors ça, surtout pas. Et un jour, je vous le dis, ça a explosé et j'aurais pu me faire très mal, alors vraiment ne le faites pas. Non, mais c'est pas se faire très mal. Tu peux perdre une main, tu peux perdre un bras, tu peux être dévisagé. Ouais, il y a des gens qui ont. Nous, on en avait un dans notre ville qui était tout brûlé à cause de ça, parce que quand il était petit, il faisait le con comme ça. Ouais, ça, grosse connerie. Ne faites pas ça. Pierrot, il est à Annecy. Bonjour Pierrot. Bonjour, salut la famille. Salut mon pote, 23 ans, qu'est-ce que t'as fait petit? Moi je pense c'est manger de la lessive ou un insecte. Tout le monde a déjà fait ça quand il était petit. Manger de la lessive pour voir si tu chies des bulles. Monsieur, mon père me disait souvent cette expression, ça va chier des bulles. Et je vous jure que c'est vrai, j'avais mangé du savon du coup. C'est vrai. Et donc non, hein, il faut le savoir. Moi j'avais mangé un escargot vivant, tu disais les insectes. J'avais 4 ans. Mais même, vivant, faut le sortir de la coquille. Ah bon? Bah oui. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais aimé les escargots. Pierrot, on t'embrasse, c'est pas la réponse que j'attendais. Il y a Alexis qui a Gérardmer dans le 88. Bonjour Alexis. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Gérardmer dans les Vosges. Alexis, mon pote, qu'est-ce qu'on a fait à 58% en tout cas quand on était petit? Alors moi je pense qu'on a tiré la langue au prof. Oh, ça va. Ah oui, ça, je pense qu'on est même plus à l'avoir fait, non? Oh non, moi j'étais un enfant très très sage. T'as jamais tiré la langue? Jamais de la vie. Soit tu faisais ça, soit tu montrais tes fesses à l'arrière du bus. pour les voitures de derrière. Ouais. Et puis si tu tirais la langue en même temps qu'un pote montrait ses fesses, Alexis, je te fais des bisous, mon pote. C'est pas la réponse qu'on attendait. Dylan, 20 ans, il est à Bourges. Bonjour Dylan. Salut la famille. Salut. Moi, c'était se couper les cheveux tout seul. Et ah oui, il y en a qui Dylan. Font ça aussi. C'est ça la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Oh putain, c'est bon. Ouais, Dylan, il est en yes. On va t'offrir un cadeau, Dylan, j'avais promis, on va te repasser le standard. On est 58% à s'être coupé nous-mêmes les cheveux quand on était petit. Juste une question, Christina, ta coupe de cheveux là, tu l'as fait toute seule. C'est pour ça en fait. Dylan, on a eu ça parce que moi je me souviens, j'avais une frange quand j'étais petit et j'avais coupé devant et du coup après t'es obligé d'égaliser. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est et donc ça. Du coup ta mère te fait une coupe de vache, mais horrible. Moi je t'explique, la coupe de cheveux qu'elle m'avait fait pour essayer de rattraper le bordel, j'aurais pu jouer dans du Guesclin, dans un film du Moyen-Âge et partir à l'école à cheval. Alors, je te jure, la coupe de cheveux de Jeanne d'Arc en fait. Mais j'avoue que nos parents n'ont pas beaucoup de goût quand on est petit sur les cheveux. Hein. Oh, même quand on est grand. Ouais. J'explique, ma mère a essayé de m'offrir un pull il y a 2 ans. J'ai cru qu'elle m'avait fait une balle. Dylan. Ouais. On t'embrasse mon pote. Salut, on va t'offrir l'agenda Fun Radio, la compile Bruno dans la radio. Oui, Elliot. Il n'y a que moi qui avais lu que si tu mettais de l'eau oxygénée sur tes cheveux, ils devenaient blonds. Non, alors... c'est vrai, je l'ai fait moi quand j'étais ado d'ailleurs. Moi aussi j'avais essayé, j'avais une grosse tache blonde, j'étais con. Voilà. Ça non plus, faut pas le faire à la maison, ça abîme vraiment les cheveux. Par contre, le shampoing, tu peux, Elliot. Ah, tu peux partir sur le shampoing, ça. Ah bon, c'est possible. C'est pas dangereux. Non, c'est le même conseil. Le déo, pareil, hein, t'inquiète. C'est Justin Bieber, Major Lazer. Hey, it's Major Lazer with Bruno on Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. avec Justin Bieber. C'était Cold Water sur Fun Radio. AMG qui arrive, call your name. Il y a beaucoup de tweets qui arrivent avec le hashtag Bruno Fun Radio en réaction au chiffre du jour, nos bêtises tout petits. Et alors je voudrais en citer un quand même, c'est Eddie Wham qui dit « Moi j'essayais de voir mes parents nus ah. ». C'est bizarre comme bêtise d'enfant, non? Vous étiez dans ce délire, vous aussi? Bah, moi, alors, je suis issu d'une famille où on n'a pas du tout de problème avec la nudité. Ah, c'est vrai? Ah bon? Bah, j'ai alors toujours moi, trouvé ça chelou parce que moi, j'étais dans la famille inverse, c'est-à-dire qu'on se voyait jamais tout nu. Pareil. J'ai jamais pu alors, voir. Moi, ça, je sais que. Genre, vous baladiez nu à la maison, ah, quoi. Mais toujours maintenant, moi. Avec ta mère, ton père et tout. Ah ouais, j'ai passé une semaine là chez mes parents, je peux sortir de la salle de bain moi, à tu poil. Sais, pour moi, les pères, par exemple, qui veulent pas se mettre tout nu devant leurs enfants. C'est pas qu'ils sont pudiques, c'est parce qu'ils ont un petit zizi. Je suis certain que mon père, il a un tout petit zizi. Et c'est pour ça qu'il a jamais voulu que je le sache, parce qu'il savait que j'allais plus le respecter. J'en suis sûr. Ben, je le sais, papa. Non, mais moi, c'est impossible. C'est comme les enfants qui embrassent leur mère sur leur bouche. Ouais, non, ça, alors ça, moi, berk, embrasser, berk. Ouais, ça, je supporte pas. Il y en a ici dans le studio qui embrasse sa maman sur la bouche? Non. Anso du Night Show, je crois qu'elle l'a fait jusqu'à plus tard. Elle le fait encore. Bah, elle le fait encore aujourd'hui. Chaud, ouais. Mais non, alors moi, la nudité, j'ai aucun souci avec ça. Mais moi, c'est, mes parents, c'est comme les Ken et les Barbie. Je n'ai jamais vu leur sexe. Pour moi, ils en ont pas, quoi. Ils tu en ont vois pas alors, comme les Ken et les Barbie. Je peux dire qu'ils en ont. Enfin, ta mère, pardon. C'était moyen comme van. Non, c'était pas moyen. Non, c'était pas bien du tout. C'était plus proche de la réalité qu'une van. Mais... Bonjour Pierre. Salut la famille. Salut Pierre. Pierre, 29 ans, il est à Châteauroux. Pierre, on va te prendre à l'antenne dans quelques secondes. Alors, il y a un truc. C'est qui c'est toi qui as appris à ton fils à faire un truc, c'est ça? Non, c'est mon père. C'est ton père qui a appris à ton fils, à toi, à faire un truc? Ouais. Alors, tu vas nous dire quoi? Bref, c'est un truc qu'on dit aux enfants pour la vanne. D'accord. Sauf que son fils n'a pas compris que c'était une vanne. Ah. Voilà, je vous dis en gros. C'est un peu, tu vois, quand on disait on était 58% petits à avoir fait un truc. Bah là, il a fait un truc, ça a dû te mettre mal à l'aise après, on est d'accord? Bah, un peu beaucoup, voilà, ouais, quand même. Il va nous en parler dans quelques secondes. Il a fait ça à l'école, en plus, son fils. Il a quel âge, ton fils? 3 ans. Ouais, 3 ans. Ouais. Comme quoi, vous allez voir, faut pas tout dire aux enfants. C'est quoi? C'est la question que vous vous posez? Bah oui. Ah oui. Et bah, restez, je vais vous le dire après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. Radio, la radio connectée avec vous sur Twitter, Instagram et Snapchat. Avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Non-stop. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. On dance floor. Hey. sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio. Vous arrivez sur Fun Radio, il y aura AMT, ça arrive. Call Your Name. The Chainsmokers également. Et puis un titre qu'on vous a fait découvrir avant tout le monde. Bon, en même temps, avant tout le monde. C'est un remix d'un tube des années 90. Vous vous souvenez de FL65 Blue, repris par Son of Legend. Et bien c'est ce qui arrive dans la demi-heure. À 7h10, je vais payer de la facture. 7h du matin, il y aura du Vacher Time. Eh bien non, il y aura le répondeur des enfants. Ah. On est mercredi quoi. J'ai oublié, excusez-moi. Il a oublié. Oh. Ça, sans faire le buzz. L'animateur radio qui se trompe. Oh là là, regardez morandini.com. Ah, ça, ils en parlent déjà. Quoi. Oh là là. Répondeur des enfants, tous les mercredis, on pose une question aux enfants. On passe leur meilleure réponse. Quelle est la dernière chose que tu as fait en cachette? C'est la question que l'on avait posée la semaine dernière. Et quelles sont leurs réponses? Tiens, un petit extrait. Je m'appelle Lilia et je mange tout le temps des bonbons en cachette. Oh. Les bonbons. Mais ça, on a tous fait quand on était petits aussi. Avec papy. Enfin bon, bref. Avec papy. Bruno. Rebonjour Pierre à Châteauroux. Rebonjour la famille. Bah tiens, en parlant de papy, alors ton père a fait un truc avec ton fils. Il s'appelle comment ton fils? Il s'appelle Théo. Théo, et donc, il est à l'école en maternelle. Voilà, il vient de faire sa rentrée, là. Il a 3 ans. Et donc, tu nous disais, hors antenne, que ton père lui avait appris à faire un truc, et c'est là où tout a dérapé. Voilà, tout à fait. Parce que le grand délire de mon père, c'est d'apprendre à mes enfants à faire des conneries et à les refaire à l'école. Ah. Sauf que là, il a passé un level. C'est-à-dire? Eh ben, il a appris à mon fils à faire poète-poète camion. Oh non! Il a touché les seins de la maîtresse? Alors. Voilà. Et il l'a fait. Si je peux me permettre, c'est pas poète-poète camion. D'abord, on dit camion. Après, ouais, on fait poète-poète. Ouais. Normalement, il faut que la personne dise en premier camion. Sinon, le poète-poète, il part pas. Ça reste un enfant de 3 ans. Il dit toute la phrase. Hein. Il y a pas de souci. Mais Pierre, dans le fond de toi-même, est-ce que t'as été un peu jaloux de ton fils? Est-ce qu'elle est jolie, la poitrine de la maîtresse? Non. C'est François Hollande. On a reconnu François Hollande. François, les amis, il vient de nous faire un. Oh, isolez-le moi. Oh oui. Tout de suite, montage direct, vous allez voir. Et attention, on a une équipe ici, on est comme les experts, je peux vous le dire. C'est-à-dire, il se passe un truc au moment où je le dis. Dans tous les studios de Fun Radio, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont en train de courir dans tous les sens, dans les couloirs. Il y a une assistante avec une voix et un accent américain qui fait « Bruno, récupère le son de la personne qui vient de passer à l'antenne !» C'est une imitation de François Hollande. Voilà, hop, ça part aux États-Unis. Aux États-Unis, on arrive à la Maison Blanche parce que ça passe directement par le FBI. Là, évidemment, à la Maison Blanche, c'est le branle-bas de combat. On réveille Barack Obama, les amis. On réveille Barack Obama en lui disant « It's incredible, a guy on Fun Radio with the same laughing of François Hollande !» Les gens du FBI sont en train de travailler. Ils montent le son et ils l'envoient par mail. Ce son revient par la magie de la technologie du côté de Paris, à côté d'une guinguette où on est en train de boire du vin rouge et on attend le son de François Hollande. On l'attend, mais quoi? Le son de François Hollande. Et par la magie de la technologie, en l'espace d'à peine une minute, Pierre, ce rire que tu avais fait en direct est déjà là. Non. Extraordinaire. Ah ouais. C'est la magie du direct, les amis. Attention, non, refaisons le comparatif. Pierre. François Hollande. C'est le même. Tu sais quoi, Pierre, je voterai pour toi. Merci. Et embrasse ton fils pour nous, en tout cas. Eh ben, moi, je vous embrasse tous et merci de votre folie, vous êtes terrible. Y a pas de souci. Eh, Pierre. Ouais. Il y a le JPI qui arrive dans quelques secondes. JPI, journal pas en image, faux journal de l'émission. Le temps d'écouter AMT, Call Your Name. We'll stay together always. True love forever will stay. No matter what they say, yeah. We'll live a life the same way. Je rêve d'elle de jour comme de nuit. Je vis ma vie sans faire de bruit. Aisance et élite. Dans 5 minutes, 7h du matin, bienvenue sur Fun Radio. Journal pour en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Pour une pâte à crêpes, comptez environ 300 g de farine, 3 œufs entiers, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, 50 g de beurre fondu, du lait, environ 75 cl et un petit verre à liqueur de rhum. Et pour commencer, People, Brad Pitt et Angelina Jolie divorcent et afin de réunir tous leurs enfants pour leur annoncer la nouvelle, ils auraient décidé de louer le Stade de France. Journée aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Et c'est quoi vraiment les symptômes ? Ah ben, on perd la mémoire. Ah ok. Et c'est quoi vraiment les symptômes ? Oh, vous êtes lourde. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Anthony ? Oui ? Je vous préviens Anthony, hein, pas de vanne de bruit de paix, le jour de la paix, ah, ok ? Bon bah tant pis alors. C'est mieux, la suite. Et pour finir, si vous aimez les jets et les fesses, découvrez l'avion à réaction. Oh. Voilà, c'est la fin du JPI tout à l'heure. Nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Mais qui est-ce qui est à la fin des JPI à chaque fois ponctué par un « Oh ». Là, c'était moi. Ah, il faut, c'est comme quand on va à Roland-Garros, qu'on voit un beau, tu vois, un beau coup franc. Je sais pas comment on dit, je ne connais smash, rien. Un beau smash. Un beau smash, voilà, on fait « Oh c'est le 21 septembre, répondeur des enfants dans quelques secondes. Dernier truc que t'es fait en cachette, c'est quoi? Ils ont répondu, on a des bonnes réponses là, ça va arriver dans moins de 3 minutes sur Fun Radio. 7h10, je paye de la facture et puis Soprano. Ce sera pour débuter la nouvelle heure là, entre 7 et 8 sur Fun Radio. À tout de suite. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va ? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228. Service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Vert Emeraude. T'as voyagé dans le temps ? Après Rouge Rubis et Bleu Saphir. Le monde est en train de plonger dans le chaos. Assistez au grand final de la saga Phénomène. Gideon ! Vert Émeraude sur tous vos écrans DVD, Blu-ray et VOD. Et en ce moment, participez à la chasse aux émeraudes. Serez-vous l'un des 6 chanceux à découvrir une émeraude dans votre boîtier? Avec Fun Radio. Bougez pas, Bruno. Ce matin, une nouvelle fois, nous allons choisir quelqu'un qui va venir rejoindre notre équipe pour faire le casse du siècle dans les entrepôts de Cdiscount et prendre ce qu'il veut pendant une minute. Ça va se jouer dans le jeu des 30 secondes, ce sera avant 9h du matin sur Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Mercredi, c'est le 21 septembre. Vous écoutez Fun Radio, vous faites bien. On va faire un point sur l'actu. Là, comment ça va, Max ? Très bien, et toi, Bruno ? Eh bah, ben, pas mal. Maxime Poulaouec pour les infos. On commence avec la météo de ce mercredi. Et ça va mieux aussi dans le ciel. Belle amélioration sur le pays avec du soleil sous forme d'éclaircies. Quelques orages, en revanche, entre les Alpes et la Corse. Il fait frais ce matin. 9 à 13 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 18 à 20 le long de la Manche. 21 à 23 au nord, jusqu'à 26 degrés dans le sud. 14 et 17 ans, deux adolescents ont été interpellés hier en Vendée et en Lozère dans l'enquête sur la fausse alerte attentat de samedi à Paris. La police cherche à déterminer leur rôle dans cette histoire. Un jeune de 16 ans placé en garde à vue lundi a lui avoué son implication dans le canular. C'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, l'occasion pour les spécialistes de sensibiliser la population sur la prévention. Un travail régulier du cerveau pourrait être bénéfique, comme la lecture, le jardinage et la socialisation. La maladie conduit à une détérioration de la mémoire et d'autres aptitudes intellectuelles et progressivement à la perte d'autonomie. En France, 900 000 personnes sont atteintes. Brad Pitt et Angelina Jolie divorcent. L'annonce a été officialisée hier. L'actrice de 41 ans s'inquiète pour le bien-être de leurs enfants. Des problèmes d'alcool seraient à l'origine de la rupture. Les Brangelina s'étaient rencontrés en 2004 sur le tournage du film Mr. and Mrs. Smith. En football, il y avait deux matchs avancés de la sixième journée de Ligue 1 hier soir. Toulouse s'est imposé sur la pelouse de Lille 2-1 et se hisse sur le podium. Paris a gagné contre Dijon 3-0. La première place se jouera ce soir entre Nice et Monaco à 19h, puis Marseille ira à Rennes à 21h. Et puis Justin Bieber séduit un Bercy déjà conquis. Le chanteur canadien a donné un concert hier soir à l'Accor Hotel Arena de Paris, entouré d'une quinzaine de danseurs. Et il a régalé à ses fans pendant 2 heures. Malgré quelques performances en playback, Justin Bieber à Bercy, c'est de nouveau ce soir. Il est 7h03. Bon réveil sur Fun Radio avec Bruno. Fun Radio. Mercredi, c'est le 21 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 7h03, bonjour! C'est Bruno dans la radio, une équipe de professionnels avec Christina. Bonjour à tous. Avec Vaché. Et bonjour. Avec Elliot. Bonjour. Et cette équipe de professionnels, nous allons l'améliorer. Avec vous, auditeurs de Fun Radio. Nous allons lancer une mission. Cette mission, faire le casse du siècle. Le casse du siècle qui aura lieu à Cestas, à côté de Bordeaux, dans les entrepôts de Cdiscount. Et pour faire ce casse, nous avons besoin de vous. Hashtag Bruno Fun Radio, vous pouvez maintenant vous inscrire avec Twitter. Et puis tout à l'heure, il y aura également le 32-28. Vous arriverez en direct pour le jeu des 30 secondes. Et le 30 septembre prochain, en direct de Cestas et des entrepôts Cdiscount, vous aurez une minute pour prendre tout ce que vous voulez dans le magasin et repartir avec. Et je peux vous dire qu'on va se faire kiffer. Fun Radio, le son dance floor, Soprano qui arrive dans quelques secondes et Sound of Legend, remix de Blue. Aujourd'hui, c'est mercredi et le mercredi, il y a le répondeur des enfants. Le répondeur des enfants sur Fun Radio. Toutes les semaines, nous posons une question et les enfants, donc les enfants c'est à 12 ans maximum, donc jusqu'à de 3 ans jusqu'à 12 ans, même oui. 2 ans, voilà. Même s'il y a 6 mois, votre enfant peut parler. Voilà, il peut répondre sur le répondeur des enfants à la question qu'on pose. La question de la semaine dernière et les réponses qu'on va écouter dans quelques secondes, c'était quelle est la dernière chose que tu aies fait en cachette, d'accord ? Et les réponses, vous allez voir, sont assez, assez exceptionnelles. Je vous pose déjà la question de la semaine prochaine. Oui, allez, Bruno, vas-y. Je la donne. Si tu pouvais être dans la peau d'une personne célèbre, ce serait qui et pourquoi ? Pourquoi je dis qu'il faut répondre avant 12 ans ? Parce que si c'était après 12 ans, dans la peau de quelle personne célèbre tu voudrais être ? Il y a par exemple Vacher qui dirait Clara Morgan, oui. Et il prendrait ça au premier degré. Ah oui, moi je veux être dans Clara voilà, Morgan. Voilà, c'est pour ça. Encore vivante, ouais. Si tu pouvais être dans la peau d'une personne célèbre, ce serait qui et pourquoi ? Vous posiez la question à votre petit frère, votre petite sœur, votre cousin, votre fils, votre fille, et les réponses, on les reçoit au 06 34 62 26 28. 06 34 62 26 28. Bon, on revient à la question du jour. La dernière chose que tu as fait en cachette, c'est quoi ? C'est pour ce qu'on a fait en cachette. J'ai pris des gendarmes, je les ai mis dans une boîte dans ma chambre et là, maman n'était pas contente. Alors, attention, quand on parle de gendarmes, ce sont les petits insectes. Oui, bah oui, bien sûr, hein, parce que sinon, des gendarmes dans une boîte, c'est pas cool. Ça s'appelle une estafette de police, gendarmerie nationale, bonjour. Mais on parlait des bêtises des petits tout à l'heure, mais vous avez remarqué cette passion quand même qu'ont les enfants pour les insectes, ouais. Et encore, je parle pas de certains qui les démembrent carrément, c'est toi Bruno, ouais, qui faisais ça, oh, non ? Ah, ne me parlez pas de cette petite mouche. Ah non, c'était, ouais, c'était pas sympa Bruno, c'était nul. Ludivine, je l'avais appelée, je me souviens. C'était une femme ? Bah comme c'était une mouche. On dit une disais... mouche, ouais. Ouais, ouais, je disais une mouche. Ah bah oui, je suis con, on dit pas un mouche. Autant pour moi. Et cette mouche ne voulait pas rester. Ouais. Et donc, pour qu'elle reste, je lui ai arraché les ailes. Oh là. Et oui, du coup, pareil, après, j'ai fait pareil avec mon enfant. Bah, et Ludivine, Ludivine ne volait plus. Bah, alors, elle est morte, non ? Alors, justement, au départ, je me souviens, elle bougeait sur la table en formica de la cuisine, Ludivine. Et alors, ça m'ennuyait parce que je voulais en plus qu'elle reste à côté de moi. Et donc, je l'avais mis sous un verre. Vous savez, les verres que tu retournes, il y a ton âge marqué dessous. Hop, je l'avais mis dedans. Et donc, Ludivine a tourné pendant quelques minutes à l'intérieur de ce verre, et puis elle n'a plus bougé. Et elle a séché. Je l'ai gardé sur un, dans ma chambre. Elle était posée pendant très longtemps. Hein. Oh, et un jour, ma mère a passé un coup de balai, puis elle l'a enlevé. J'étais très déçu. Donc, en fait, l'expression il ferait pas de mal à une mouche marche pour tout le monde, sauf pour Bruno. Ouais, d'accord. Allez, c'est le seul taré, quoi. Autre message. Moi, la dernière chose que j'ai fait en cachette, j'ai mangé des biscuits apéro quand mes parents ils sont partis. Au revoir la famille. Mais ça, on le fait tous, mais t'es grillé parce que moi, je sais que c'est ce que je faisais. J'allais dans le bar de mes parents, j'ouvrais un petit peu le paquet, j'en prenais quelques-uns, je refermais, je faisais ça. Mais au bout d'un moment, le paquet, il diminue de ouf. C'est quoi le truc ouf ? C'est qu'aujourd'hui, à mon âge, ça m'est arrivé aussi de manger des biscuits apéro en cachette. Ah bon ? Ouais, parce que tu sais, comme tu dis, je fais un régime, etc. Si jamais tu craques, tu vois, tu prends tes 3D, hop, goût bacon, et en loose day, tu vas les bouffer à la cave. Autre message. Salut Bruno, salut la famille. La dernière chose que j'ai fait sans que j'avais le droit, c'était jouer à ma DS. Mais maman, elle m'avait dit de pas le faire. Salut. Ah bah ça, le portable, les consoles, je pense qu'il y a plein d'enfants qui le font en cachette. Hein. Ouais, avec les nouvelles, tu peux. Nous, à l'époque, on pouvait pas. C'était compliqué. Si, tu rigoles. Ah non, ça faisait trop de bruit, ça faisait trop de lumière. Ah, tu rentrais dans ta chambre. Ah oui. Tes parents, ils l'entendaient, le Mario. Ah, hein, moi, je parle pas des années 40. Moi, je parle de... T'emmerdes. Allez, on a le temps pour un petit dernier ou pas ? Petit dernier. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Je m'appelle Léo, j'ai 7 ans. Et le truc que je ferais en cachette, eh ben, c'est que j'ai ramené mes 4 Pokémon à l'école sans que mes parents le sachent. Bisous. Évidemment. Et tu les échanges. Moi j'avais les cartes Dragon Ball Z, vous aviez des trucs ? Il y avait les cartes Magic aussi qui existaient. Ouais, Magic l'Assemblée, ouais. Ouais. Mais j'ai pas le générique donc c'est pas cher. De toute façon, c'était les geeks hein, en général qui jouaient à ça, ouais, c'est ouais. Ceux qui faisaient jamais l'amour. Et qui l'ont toujours pas fait, je pense, aujourd'hui. Soprano, tout de suite sur Fun Radio, et dans 3 minutes, je paye peut-être votre facture. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car. Sors de la piste, fais le grand écart. en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir, je suis un warrior. Appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport. Amène-moi des tirineurs. Je suis en feu. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir, je ne joue pas, mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou. Ce soir, je John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Et tu sais quoi, je pourrais lancer un Bruno dans ton couple là ce matin. On est quoi, 7h15? On peut se faire ça? Bah vas-y. Je suis en feu, j'ai chaud. J'ai envie de vous tester. Un Bruno dans ton couple, qu'est-ce que c'est? Vous êtes en couple, forcément, ça aide. Vous avez un chéri, vous avez une chérie. Vous voulez savoir si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde? Bah vous m'appelez 3228. On fait de la radio ensemble. En antenne, on vous pose des questions. Et on va poser les mêmes questions à votre chérie. Fille ou garçon. Même si vous êtes gay, lesbien, etc. Ça marche, quoi qu'il arrive. On teste votre couple. En fait, c'est un peu le principe de Tex dans les amours, d'accord? Mais avec des questions qu'ils ne poseraient pas sur France 2. En gros, c'est ça. En version un peu plus fun. Bah quoi. Voilà, on va pas dire qu'on a inventé le truc. On a un petit peu piqué le truc à la télé, mais ça nous fait marrer. 32-28, on teste votre couple en direct. Tiens, en parlant de Soprano, vous savez qu'on a fait une reprise de Soprano. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. C'est Nicolas le pervers. Et alors, je parle souvent du hashtag Bruno Fun Radio. Pourquoi? Parce que bah, sur Twitter et grâce à Instagram aussi, quand vous balancez des messages, on les reçoit en direct dans le studio. Donc autant faire ce peu, on les lit à l'antenne. Et il y a Lucas qui dit... C'est Wilfried qui dit dans le top 40 des clubs, en chien vient de rentrer. Ah ouais? Ah bon? Bah c'est ouf. Mais pourquoi on n'est pas au courant de ça? Bah je sais pas. Mais surtout qu'il n'est pas sorti, ouais. Bah ouais, c'est ça. Bah, y a des boîtes qui doivent jouer le... Je suis un chien. Ah, fort. Ça doit faire plaisir à Nicole Pervers. Ça fait hyper plaisir, surtout que les meufs qui vont dans ces boîtes-là, à mon avis, elles ne sont pas la dernière pour enlever leur culotte. 15 et 17 ans, 16 ans, s'en fout, on n'est pas regardant, c'est légal, non? Non. Ah bon? Non, c'est pas légal. Ouais, ça dépend dans quel pays, non? Non, même en France. Oh, ça se négocie, non? Non, c'est. Allez, c'est... Non, il n'y a pas de pays. Oh, on lutte pas contre l'appel de la crevette, frère. C'est gênant, Nico, parce que déjà en France, c'est pas bien vu, mais même dans d'autres pays, genre aux États-Unis par exemple, ça peut être puni par la loi. Moi j'imagine la réaction de Teddy, qui est fermier. Mais qui est Teddy? C'est un fermier qui nous écoute, Nico, dans le Wisconsin, ouais. Il est dans sa moissonneuse batteuse. Oh, je déteste ces armes-là. Il nous écoute tous les jours, et je me dis que même lui se dit, dis donc, ce genre de blague dans son pays, ça passerait pas, il doit se le dire dans Pourquoi? Sa moissonneuse batteuse. Excuse-moi, Nico, the pervert. Mais si tu faisais ce genre de blague aux États-Unis, it's very bad, but it's forbidden, you know. C'est vraiment très très mauvais. C'est interdit, tu sais. You know, I know Elliot is not a girl, but I want to fuck him. You know, it's my dream, my biggest dream on earth. Et franchement, tu pourrais te faire punir et te faire fâcher très très fort. Oh putain, merci Teddy. Y a pas de souci. Allez, ce gars-là donc a un déblouement de la personnalité. Bruno, allô, paye vos factures. C'est adorable. C'est fou ce qui se passe. Le jour où on va examiner l'intérieur de... Oh, ça va être compliqué. Hein. Il y aura un vieux professeur qui viendra l'examiner. Bonjour, je suis le professeur Jean-Jacques. Effectivement, j'étudie le trouble des personnalités. Oui. Alors là, on avait un personnage qui passait effectivement d'un pervers, je crois, c'est ça. Bon, excusez-moi, j'ai passé l'âge. Un Américain qui est sur sa moissonneuse batteuse. Mais je ne comprends pas, en fait. C'est sûrement, ça s'étudie en psychologie. Oui, bien sûr. Moi, je suis à la Sorbonne. Hein, Vous avez étudié la psychologie, professeur, oui. même sur des, mais des jeunes. Qu'est-ce qu'il a, ce professeur? Sur des jeunes, de banlieue qui est un peu difficile. Ouais, non, c'est clair. C'est clair que moi, je suis souvent le professeur. Parce qu'il m'étudie. C'est vrai ou c'est pas vrai, professeur? C'est tout à fait vrai, Jérémy. Bon, il s'appelle Jérémy. C'est mon patient type. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que depuis que je connais le professeur, frère, je me sens vachement bien, en fait. Bah, allez, ça suffit. Oh putain, c'est qui? Yeah, I wanna fuck Elliot, you know, man. Stop. Oh putain, excusez-moi, je suis perdu. J'ai chaud. Je paye de la facture tous les jours à 7h15 et 8h15 sur Fun Radio. Bravo. Et pour les envoyer, vos factures, vous avez plusieurs moyens. Soit vous les déposez sur le site Bruno Pay. vosfactures.fr, soit vous les envoyez par mail facture@funradio.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est payé, c'est cadeau. On part à Nantes. Ah. Chez Anne. Allô. Allô, Anne. Oui. Bonjour, Anne. Bonjour. Anne, quel est le seul animateur qui paye tes factures? Bruno dans la radio. Oh, bravo! Merci, trop cool! Eh ben écoute, Anne, tu fais quoi dans la vie? Tu as quel âge? J'ai 22 ans, je suis en sciences de l'éducation. D'accord, c'est pour faire quoi plus tard? Professeur des écoles. Professeur des écoles, très bien. Anne, tu m'as envoyé une facture de 392,99 €. Qu'est-ce que c'est? C'est une télé. Nouvelle télé pour mettre dans la maison? Exactement, j'ai emménagé avec mon copain et j'ai cassé sa télé. Ah merde! Mais comment t'as fait? En fait, j'ai trébuché dans le nouveau tapis. Oh, d'accord. Et je l'ai fait tomber sur la table basse. Merde, et est-ce que ça a été la première engueulade de couple ou pas? Bah, plus ou moins, mais bon, il fallait quand même la racheter, quoi. Bah oui, c'est ça, forcément. On parlait hier d'une auditrice. Il y a une auditrice qui nous avait appelé pour avoir des conseils sur quand on se met en appart avec son chéri, etc. Casser la télé, ouais, ça peut être un délire. Il est gamer, il joue un peu genre à la PS ou à Xbox? Ouais, un petit peu, mais il regarde pas mal de rugby aussi. Ouais, en plus, un rugbyman, ouais, t'as raison, on va te payer une nouvelle télé très vite. On t'envoie ça du côté de Nord, je t'embrasse, Anne. Merci beaucoup. Passe une belle journée, ma chérie. Ah, merci. Ciao, ciao. Bon, est-ce qu'on va avoir de temps pour faire un Bruno dans ton couple? Petit voyage au standard. Oui, mais c'est bon, on a même Marion qui est déjà en ligne. Mais non. Mais si. Putain, ça va vite, passe-la-moi. Allô, Marion? Oui, bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Bon, hors antenne, on va te poser des questions et on va comparer tes réponses avec celles de ton chéri. Tu ne préviens pas ton chéri? Non, d'accord. Tu lui envoies pas de texto, genre on va passer à la radio, etc. D'accord? Pas du tout. On va l'appeler parce que sinon ça ne marche pas. On fait ça dans 3 minutes, d'accord Marion? D'accord. Tu ne bouges pas. Pour l'instant, ce son, vous l'avez découvert chez nous. Remix d'un titre des années 90. Le groupe s'appelait Eiffel 65. Aujourd'hui, c'est Sound of Legends, mais ça n'a pas trop changé. Blue sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me, save me. The Parakeet. Feder. Sound of Legend. Felix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager, mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Le magique anniversaire continue chez But. Et le plus magique, c'est quand on ferme les yeux. En ce moment, le matelas Dreamea Memories 160x200 est à moitié prix. Oui, 399,50€ au lieu de 793€. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. T'as pas l'air en forme ce matin, toi? Bah, toi non plus, hein. Bon, on va chez But. Alice va tester à l'aveugle des sodas Lemon Lime. Le soda Sprite à 63 centimes le litre, puis le soda Lidl à 48 centimes le litre. Alice? J'aime. Et? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur le Sprite non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Sprite 95 centimes les 1 litre 5. Soda Lemon Lime Lidl 95 centimes les 2 litres. Pour votre santé, évitez de grignoter. Tous les matins. C'est Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. Madeleine, elle a 12 ans, elle m'a écrit à bruno@funradio.fr. Madeleine, elle veut passer un message à sa maman ce matin. Passer un message à sa maman parce qu'elle n'a pas été gentille avec sa maman et à 12 ans, elle ne trouve pas les mots pour s'excuser. Elle veut passer par nous, on va le faire en direct. Ah Bruno, ton couple arrive dans 5 minutes. Chanson du jour donc à 7h30 et pour l'instant, montez le son sur Fun Radio, c'est Blue. C'est Fun Radio, c'est Bruno dans ton couple. Je t'aime mon amour. Attends. C'est l'heure de Bruno dans ton couple. Sur Fun Radio. Marion veut tester son couple avec Yannick. C'est bien ça Marion, rebonjour. Bonjour. Vous êtes bonjour. Ensemble depuis 10 ans, tu as 29 ans, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il a quel âge? 39. Mais expliquez, vous vous êtes rencontrés sur le net. Vous avez c'est deux ça. Enfants ensemble. Lui, il avait eu un premier enfant avant. Il y a Adeline, oui. Il y a Charline, il y a Julie. Putain, et c'est oui. Ouf, t'es une ancienne obèse, tu pesais 120 kilos. Et oui. T'as fait un régime, en 3 ans, t'as perdu combien? 40 kilos. Ah ouais. Oh la vache, ça a dû changer ta vie. Hein. Ah oui. Bah, et passer de 120 kilos à 65, ouais, je te confirme. Et est-ce que pour maigrir, t'as dû faire ce truc dégueulasse, comment ça s'appelle déjà, le sport? Oui. Oh là là là, ah, bravo, hein. C'est chaud ça. Marion, on t'a posé des questions en antenne. On va poser les mêmes questions à ton chéri en direct sur Fun Radio. D'accord? Ça Ça et va. On va comparer vos nombres de réponses. Vous êtes très amoureux, tout va bien dans votre vie, il n'y a pas de souci. Oui, ça va, oui. Et ben, on va vérifier ça tout de suite. Bonjour Yannick. Bonjour Bruno. Tu es en direct sur Fun Radio, tu l'as compris. Yannick, ouais. Marion a décidé de tester votre couple. Ah ouais. Marion, tu me promets que tu lui as pas envoyé de texto avec les questions qu'on t'avait posées, etc. Promis. D'accord. Que des SMS cochons. Yannick, attention, c'est parti. Ouais. Est-ce que quelqu'un de ta famille, Yannick, n'aime pas Marion ? Je dois répondre franchement. Hein. Oui, tu dois répondre franchement. Oui. Ouais. Qui ça ? Bah, je sais pas, peut-être mon père. Bonne réponse. Ouais. Mais pourquoi ? Pourquoi, Yannick ? Ah, je sais pas. Faudrait lui demander à lui. Marion, ma tu sais pourquoi ? Oui, ma grande bouche. J'hésite pas à répondre quand il faut. C'est... Très bien. Tu sais quoi, faut jamais se laisser marcher sur les pieds par les beaux-parents. C'est ça. Bien sûr. Ça fait une bonne réponse, c'est bien. Deuxième question. Yannick, selon Marion, quel est ton plus gros défaut au lit ? Mon plus gros défaut au lit ? Ouais. Ah, je sais pas, mais là, je crois que j'ai beaucoup moins l'aimé ce soir. Là. Je sais pas. Je ronfle, j'en sais rien. Non, ça n'a pas un rapport avec le dodo, ça a un rapport avec les câlins. Ah, c'est un rapport avec les câlins. Bon, je sais pas, peut-être que j'en demande trop. Non. Non. T'es égoïste. Ah ouais, que, ouais, tu prends ton pied, tu prends ton pied et elle, tu t'en fous. C'est-à-dire que t'attends pas que ça se fasse ensemble, hop, tu fais ton histoire et après, genre, tu dors. Ça, c'est le problème de beaucoup de garçons. Oui, non, mais moi, j'y casse mon cou. Donc, comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, Yannick, que tu changerais dans le physique de Marion ? Dans le physique de Marion ? Ouais. Ouais, je sais pas, peut-être c'est ça, ouais. Bonne réponse. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont, c'est ça ? Bah, on dirait deux petits œufs sur le plat, quoi. Ah, bienvenue au club. Merci. Tu sais, l'amour, t'as deux façons de le voir. Soit t'as les films comme Coup de foudre à Notting Hill, soit t'as la vraie vie comme ce qu'on est en train d'entendre. On n'est pas dans la même catégorie. Moi, j'ai la vraie vie, moi. Et enfin, qui est le plus amoureux de l'autre, d'après toi, Yannick ? Bon, je pense qu'on est autant amoureux l'un que l'autre. Alors, la réponse va te faire plaisir. Vas-y, Bruno. Non, la réponse va lui faire plaisir. Ah, non. Marion a répondu que c'était toi qui étais le plus amoureux. Oui. Ah oui, remarque, c'est vrai que ça peut lui faire plaisir. Je suis ravi de le savoir. C'est vrai que, en y repensant, en fait, ouais, ça fait non, pas plaisir. C'est l'excellent. Ça, t'es, prends-toi ça. Prends-toi ça pour les œufs au plat, frère. Ouais. Ah, et vous savez quoi ? Moi, je le trouve sympathique, votre couple. Mais oui. Ouais, franchement, vous me faites plaisir. On va vous offrir des cadeaux, Bruno, dans la radio. Marion, Yannick, on vous fait des bisous. Soyez heureux. Bisous, la famille. Bisous. Bisous. Ciao. Et bravo pour ton régime, Marion. Je sais ce que c'est. Merci. T'as bien galéré, surtout. Oui. On te fait des bisous, ma belle. Bon, chanson du jour, ça arrive dans quelques secondes. On va essayer de régler le problème de Madeleine. Madeleine, elle a 12 ans. Elle veut qu'on appelle sa maman. Enfant difficile, visiblement. Un peu une mauvaise attitude avec ses parents. T'es fier quand t'as 12 ans, t'oses pas dire pardon. Et ben dans ces cas-là, tu passes par Bruno dans la radio et on va le faire pour elle. Fun Radio, c'est le son Dance Floor, la radio qui vous a fait découvrir ce morceau, la Parakeet, Save Me. C'est d'une fraîcheur sans nom, ce truc. Et puis Kungs, quand est-ce qu'il vient nous voir ? Demain. Demain, il y a Kungs qui sera en direct. Don't you know, ça arrive sur Fun Radio. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour votre DJ préféré. Qui des DJ Fun Radio ? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go ! Le son Dance Floor. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva oh, oh, oh. Et si payer avec mon mobile me rapportait ? Moi avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Dépêchez-vous, ça commence ! Les 6 jours grandes marques chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le lot de 2 bidons de lessive liquide Ariel. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 2,99 €, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Imaginez-vous libre avec Boursorama Banque. Libre de ne payer aucun frais de tenue de compte et libre de profiter d'une carte bancaire totalement gratuite. Libérez des frais, en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 euros offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Voir détails des tarifs sur brochure tarifaire. Offre valable jusqu'au 21 septembre 2016. Détails de l'offre et des services sur boursorama-banque.com. Bougez pas, Bruno. Vous écoutez Bruno dans la radio, on va revenir en direct là chez vous, on va essayer de régler le problème de Madeleine qui veut faire passer un massage, un message à ses parents, à sa maman en l'occurrence, qui s'appelle Sophie. Ça va être en direct là, juste après les infos sur Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Maxime Poulaouec pour les news, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo de ce mercredi 21 septembre. Du gris au bleu, changement de couleur dans le ciel avec le retour de belles éclaircies sur la France. Il faut compter sur quelques bandes brouillard au lever du jour. Il y aura aussi des averses orageuses entre les Alpes et la Corse. Ce matin, comptez seulement 9 à 13 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 18 à Brest, 20 à Lille, 21 pour Lyon, 22 degrés à Nantes, 23 à Paris et 26 degrés le maximum à Perpignan. Il a avoué son implication dans le canular. L'adolescent de 16 ans interpellé dans la Marne après la fausse alerte attentat de samedi à Paris a reconnu avoir passé un appel malveillant. Deux autres jeunes de 14 et 17 ans ont été arrêtés hier en Lozère et en Vendée. Les enquêteurs cherchent à déterminer leur rôle dans cette affaire. L'objectif est d'empêcher les assauts répétés des migrants. La construction d'un mur anti-intrusion a commencé hier au port de Calais. Le mur qui sera végétalisé fera 1 km de long pour 4 mètres de haut. Par ailleurs, le gouvernement a promis une opération d'ordre humanitaire lors du prochain démantèlement de la jungle où vivent près de 10 000 personnes. Les gants seront bientôt obligatoires pour les motards à partir du 20 novembre. La sécurité routière entend limiter les blessures graves aux mains et aux avant-bras. Coup de tonnerre à Hollywood, le couple le plus glamour du cinéma se sépare, Angelina Jolie et Brad Pitt. L'actrice a demandé le divorce pour le bien-être des enfants. Elle ne supporterait plus le comportement de son mari lié à l'alcool et au cannabis. Leurs avocats vont avoir du travail puisque la fortune du couple est estimée à 400 millions de dollars. En football, le PSG retrouve la forme. Paris s'est imposé hier soir lors de la 6e journée de Ligue 1 contre Dijon 3-0 avec des buts de Lucas et de Cavani. À noter aussi la victoire de Toulouse à Lille 2-1. Ce soir, Monaco tentera de conserver la tête du championnat sur la pelouse de Nice à 19h. Puis à 21h, Rennes recevra Marseille. 7h34, bon réveil sur Fun. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Bon réveil la famille, c'est mercredi, c'est le 21 septembre. Parakeet, là ça va arriver sur Fun Radio, Save Me. Une belle demi-heure, vous allez voir. Il y aura Kungs également. Kungs, il est là demain en live avec nous sur Fun Radio. S'il fait le même live qu'il a fait hier dans l'émission de Yann Barthès, quotidien là sur TMC, c'était ouf. Bah, ce sera la même chose, il vient avec le chanteur et tout. Hein. Avec les musiciens et tout ça, putain. Wow. Ouf. One more time, I go. Higher power's taking a hold. Alors ça, c'est un mec qui a fait un cover de Drake sur YouTube. Il s'appelle Alex Ayono, d'accord ? Et ça est en train de faire un buzz énorme. En fait, ça fait quelques années qu'il cartonne sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, allez voir ses vidéos. Franchement, déjà parce qu'il est beau, il est magnifique. Et il fait des covers un peu latino. Et là, en l'occurrence, elle est vraiment bien, celle-ci. Ouais, et on s'est dit à Fun voilà, qu'on allait le mettre en avant. Vous savez que sur les stars de YouTube, on est là hein, tous les soirs. D'ailleurs, souvent chez Marion et Anso. Dans le Night Show, il y a nos potos McFly... Et Carlito qui était là, ouais, du Golden Moustache avant-hier. Bon, les amis, allez, chanson du jour. On a comme un petit problème. Oh. Le mercredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du mercredi. En fait, le problème avec Carlito et McFly, c'est comme on les connaît personnellement, je me souvenais plus de son pseudo sur YouTube. J'ai l'appelé par son vrai prénom, ce qui est évident de ne parler à personne. Allez, faites sonner le clairon pour Madeleine. Bonjour Madeleine. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Salut ma bichette. 12 ans à Nantes, quelle classe Madeleine ? 5e. T'as cours ce matin ou pas ? Oui. T'attaques avec quoi ? Avec physique chimie. Oh la merde, putain. Ouais. Oh là là, physique chimie, mais quand t'attaques ta journée, tu te tires une balle dans le genou, je crois en fait. Ouais. Bon, Madeleine. Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr, tu veux qu'on fasse passer un message à ta maman qui s'appelle Sophie. Tu m'as mis dans ce message que vous étiez ultra proches, complicité de ouf, mais depuis le mois de janvier de cette année, la relation s'est dégradée. Et tu l'avoues toi-même dans ton mail, en fait ça vient de toi, c'est ton comportement qui a changé. Mais pourquoi t'as changé en fait ? Bah en fait je suis entrée dans l'adolescence, et normalement dans l'adolescence la plupart des jeunes ils changent de comportement. Et moi il fallait que ça m'arrive, donc du coup j'ai changé de comportement sans le vouloir. C'est marrant, monsieur. T'es en train de donner l'explication que pourrait filer un pédopsychiatre, en fait. Exactement. Mais déjà, c'est bien d'en être conscient. Ouais. Mais clairement, on est quasi tous, je pense, passés par cette phase, non ? Ouais. Ouais. Non. Non. T'as mis dans ton mail que tu te vénères avec ton petit frère qui a 9 ans. Et que du coup, ça t'énerve. Tu cries sur tes parents. Tes notes ont baissé. T'es passé de 15, par exemple, en histoire géo à 7. Mais ce qui est rigolo, en fait, c'est le recul de se dire oui, alors, vu que les enfants changent, je vais changer. En fait, tu vois, ta démarche est bizarre, Madeleine, si je puis me permettre. Hein, c'est le daron qui parle. C'est-à-dire que de toi-même, tu te rends compte, tu te dis ah bah tiens, mais pourquoi tu fais ça ? La finalité, c'est pourquoi ? Ouais, voilà. En fait, on change, mais on se dit mais pourquoi on change ? Pourquoi on ne garde pas le même caractère ? D'accord. Mais c'est bien d'avoir ce recul, oui, je trouve. Elle est philosophe, en fait. Hein. C'est ça, t'es philosophe. Mais je veux dire, là, on va faire passer le message à ta mère. Mais le but, c'est pas juste de faire passer le message. C'est qu'après, t'essayes de changer de comportement. Ouais. Tu t'en sens capable ou pas ? Ouais. Bon, bah écoute, moi, si c'est le cas, je trouve que c'est bien. Mais c'est vachement bien, parce que là, je pense que t'as atteint le point où ça commence à être invivable à la maison. Tu sais ce que c'est ? Ouais, ouais. Le fameux point Goldwyn, quoi, qui te ouf un peu de non-réponse. Madeleine, pendant que je suis en train de te parler, on a ta mère au téléphone, c'est Sophie. On va l'accueillir à l'antenne, on lui fait la chanson et après tu t'expliques avec elle, d'accord ? D'accord. Tu ne bouges pas. Au téléphone avec nous ce matin, il y a donc Sophie à Nantes. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, je m'appelle Bruno Guillon. Bonjour. Et tu es en direct sur Fun Radio. Oui. Je sais pas si tu connais l'émission Bruno dans la radio. De nom, oui. Et ben voilà. Et ben dans cette émission, tous les matins à 7h30, on a un truc qui s'appelle la chanson du jour où on fait passer des messages à des gens. La personne, en l'occurrence, ce matin, c'est toi. On a un message de la part de Madeleine. Oui. J'aimerais que t'écoutes les paroles de la chanson qu'on a écrite, d'accord ? D'accord. Et on en parle ensemble juste après. D'accord. Ok. Elliot, t'es prêt ? Oui. Et on va le faire en direct ce matin. Wow. Eh oui. C'est rare. Attention, c'est parti. Ma maman, je suis désolé. Je sens que notre complicité s'est dégradée. Sûrement parce que je passe mon temps à crier. Mais j'ai conscience, alors je vais me calmer. J'espère vraiment que tu vas me pardonner. Les gros mots promis, je vais les oublier. À l'école, maman, je vais m'améliorer. Enfin, j'espère qu'un disque te fera bien kiffer. Je suis désolé. Promis, je vais arrêter de dire fuck les parents. Et sourd devant tous ces gens. Ma petite maman, je voudrais te dire que je t'aime très fort, voire énormément. Moi, je dis bravo. Je dis bravo. Ah, Bravo. Et pourquoi je dis bravo? Parce que cette chanson a été écrite en l'espace de 7 minutes, puisque c'était pas le sujet qui avait été prévu au départ. Sophie. Oui. Oh ouais, Sophie, elle est un petit peu aimée, mais allez, je peux comprendre. Ça chiale. Mais non, mais je peux comprendre. Non, moi, je pense à l'audience, ça me fait plaisir. Mais non. Mais non, moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que elle en souffrait aussi de cette situation. Non, mais fallait pas. Sophie. Oui. T'es en direct avec Madeleine. Non, mais maman, vous êtes pas portée. Mais pourquoi ma puce? Mais n'importe quoi. Oh. Mais n'importe quoi, ma puce. Oh. Mais je t'aime, ma puce, mais peu. Oh. Oh. Madeleine. Mais faut pas pleurer, ma puce, arrête. Je voulais passer par Fun Radio parce que j'arrivais pas à te le dire en face, mais je t'aime, maman. Mais n'importe quoi, faut pas dire. Oh. Je suis désolé, j'avais pas prévu d'aller en trimel, mais c'est bon, je chiale. Vous m'avez fait pleurer. Voilà, bah super. Oh, ben non, faut pas plus. C'est pour être comique normalement le matin. Ouais, bah, et alors, et n'empêche que j'ai un cœur qui bat derrière cette couche de graisse. Madeleine. Bon, et sèche tes larmes, Madeleine. Maintenant que le message est passé, tu promets que tu rebosses un peu à l'école? Oui. D'accord. Mais elle travaille à l'école, faut pas qu'elle se dise qu'elle bosse pas, c'est n'importe quoi. Oui, mais tu sais. Mais regarde, maman, j'ai passé de 15 en histoire géo à 7. Oh, mais c'est pas grave, c'est le début de l'année, tu mais vas bien travailler, sûr. Ça va aller. Oh. Et Sophie, oui. Tu veux que je te dise, Sophie, oui. je vois qui tu es, Sophie. Ah je bon vois qui, oui. Je te vois passer au-dessus des immeubles. Je te vois passer avec ta cape rouge et ta tunique bleue. C'est toi que l'on appelle Super Maman. C'est marrant, c'est les rôles inversés. C'est la fille qui se met la pression et la mère qui a la cour qui fait « Eh, c'est bon, tu peux sécher les cours une fois, ça va pas te tuer. Eh, c'est bon, fume un bédo, c'est juste un bédo, c'est bon, tiens, peux mourir. » C'est pas maintenant, là. Mais Sophie, t'as une fille canon. Ouais. Voilà, je voulais juste te dire bravo, Madeleine. Vraiment, je suis fière de toi. Ouais, vous êtes mignonne. Merci. Mais vous savez quoi? J'ai envie de vous dire merci à toutes les deux. C'est un bon moment de radio. Vous m'avez fait plaisir. Je vous embrasse. Ah bah nous, moi aussi. Ah bah, du coup là, c'est un beau cadeau pour toute la journée là. Bisous, Madeleine. Bisous, ma chérie. Vous arrivez sur Fun Radio. Fun Radio, oui. C'est du son dance floor. Oui, c'est des gros lourdeaux qui peuvent rire à des proutes. Tu m'étonnes. Le caca, j'adore. Mais de temps en temps, c'est également de beaux messages pour rappeler que la vie est importante et la vie n'est qu'amour. Save me. Mais du son dance floor, c'est bon aussi. Ça arrive dans quelques secondes avec Save Me. Et puis, hé, va chier. Ouais. C'est une cacasse encore. Allez, à tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Juan va tester à l'aveugle deux cafés. Le café carte noire à 5,94€ le lot de 2 x 250 grammes, puis le café Lidl à 2,69€ le lot de 2 x 250 grammes. Juan. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87€ le kilo. Lidl, 5,38€ le kilo. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers dès 400€ d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr.

dans la radio. Oh, je l'ai senti, tu sais quoi? Parce que pendant que je parlais, j'entendais un. C'est la période des rhumes. Bonjour. Eh ouais, je suis un petit peu enrhumé, ouais. Mais c'est bien, ça te permet de parler avec l'accent. Bonjour, comment ça va? T'es à Bressuire dans les Deux-Sèvres. T'as un moment à pied à partager avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, j'ai appris lundi soir que je venais enfin de me décrocher mon premier CDI chez Michelin. Ah, fort. Félicitations. Contrat en durée indéterminée. Ah, ça, non, c'est un petit CDD au début, mais ça va déboucher sur un CDI en espérant. Ah bon, d'accord, mais je sais pas, tu m'as dit CDI, moi je disais CDI. Non, non, CDD pour d'accord. commencer. Donc c'est, voilà. C'est la première fois que tu as bossé ou pas? Ah non, c'est pas la première fois. D'accord, donc c'est, ah oui, t'as déjà eu des contrats. Mais c'est mon premier vrai contrat. D'accord, d'accord. Ça fait plaisir quand tu signes ton premier vrai contrat. C'est qui premier employeur? Tour de l'équipe, premier employeur, Vacher. Premier employeur, c'était Orange. Orange. Ouais. Tu vendais des téléphones? Je vendais des portables, ouais. D'accord, Christina? Bah c'était Fun Radio. Oh là là, bah ouais, c'est ouais. Mon Madame la fille employeur. Du patron qui fait de la radio tout de suite. Ah bah moi Bruno c'était toi. Ah ouais, bon, pour, ouais c'était, c'est et toi Bruno, Bruno. Moi c'était Rochefort Contact Stéréo. Yeah. Une radio à en Charente-Maritime à Rochefort. Wow. T'étais payé avec des cacahuètes. Bah pas loin. Ouais. Et des bonbons. Mais tu connais l'expression, à force de payer des gens avec des cacahuètes, on finit par travailler qu'avec des singes. Ah, c'est la voix du vieux, bah, du vieux du singe. Du vieux sage. Exactement. Ah, sage. Sage. Du vieux ouais, sage. Merde. C'est pas la même chose. Karl, je veux t'entendre le crier, je suis heureux. Je suis heureux. Vous savez qu'à l'antenne, on a des morceaux où, pendant un moment, c'est le morceau préféré. Et ben, mon morceau préféré en ce moment, c'est celui-ci. Ça fait une semaine, ça va me encore. Je pense qu'il peut durer encore une bonne semaine. Parakeet, j'adore ce truc. Save Me, c'est tout de suite et c'est sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. How to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. Dans la chanson, c'est ça là, rien. Stoï, stoï, pipi. Ouais, c'est quand même mieux quand tu le fais pas. Hein, ouais. Ouais, c'est pas facile, et s'ils le font en direct, c'est pas facile. Hein. Stoï, stoï, pipi. T'es le seul à entendre stoï. Mais oui, t'entends des choses bizarres. Hein. Je suis désolé. Il y a des gens dans ma tête, les amis. 7h54, c'est Fun Radio. JPI sur Fun Radio.

L'avantage de cette émission de radio, et je le dis pour les gens voilà, qui nous découvrent, je vois les messages que vous envoyez sur Twitter en disant « Putain, mais en fait, je découvre votre émission de radio. Ce que j'aime bien chez vous, c'est qu'on sent que vous êtes des vrais potes. » Bah oui, c'est pour ça qu'on dit la famille. C'est nos week-ends ensemble maintenant, donc ça devient n'importe quoi. Et donc, Christina avait une discussion peut-être un peu trop aux potes avec nous il y a quelques secondes, en nous expliquant, je sais pas comment le vendre. Quand elle se fait, quand elle va chez Yves Rocher, ouais, et que son esthéticienne s'occupe de sa marguerite, elle lui montre sa marguerite. En fait, elle fait ça devant un miroir. Et donc, Christina disait, mais qui n'a jamais vu sa marguerite en parlant aux filles de l'équipe dans mais un miroir. Oui. Mais il y a un miroir géant, donc je suis obligée de voir, je suis obligée de contempler ma marguerite. Et ça m'était déjà arrivé avant de regarder dans un miroir. C'est bien de savoir à quoi elle ressemble quand même, non ? D'accord. Marguerite ou fougère, hein, ça dépend des gens. Non, moi, c'est Marguerite. D'accord, toi, t'es plus sur une marguerite, d'accord. Elle disait que du coup, elle avait réussi à regarder après avoir accouché pour voir s'il n'y avait pas un délire. Mais je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui ont fait ça après l'accouchement, qui regardent comment c'est. On est parti dans cette discussion de qui n'a jamais. Bien sûr. Et c'est vrai qu'à un moment, on disait, mais qui n'a jamais pris un selfie de ses fesses pour voir, tu vois, si t'as un truc qui te gêne, un bouton, un truc. Pour voir où il est. Ah oui. Et là, pareil, tout le monde m'a regardé choqué. Mais toi, et encore, il y a Meryl qui rigole. Ça te fait rire. Moi, j'en ai un peut-être un peu moins crade, mais pas très classe non plus, qui n'a jamais fait couler la douche pendant qu'il était aux toilettes pour pas que sa copine l'entende faire la grosse commission. Ah, ah oui. Ça, oui, tout le monde l'a fait. Ah, ça, vous le faites aussi. Ça, tout le monde l'a fait. Yes, tout le monde ça fait plaisir. Ça. Ouais, oui. Fais attention, Elliot. Allez, j'ai fais attention, il est 8h06. Non. Mais qui n'a jamais pissé dans l'évier pendant que sa copine était aux toilettes parce qu'il s'est pris. Ah, toi aussi, tu l'as fait. Désolé, je peux dire. Est-ce que toi, il y avait de la vaisselle ou pas ? Non. Mec, je mange plus jamais chez toi de ma vie. Non. C'était un gobelet. Mais j'en ai mis sur le robot. Un verre en plastique que tu gagnes dans les concerts, tu vois. Et depuis, je l'ai plus. Et je vous en supplie, il faut qu'on le fasse avec les auditeurs. Allez, vous savez quoi ? On lance le hashtag qui n'a jamais. C'est-à-dire, c'est ce truc un peu honteux. Et on regarde les autres en essayant de trouver un soutien et on n'a jamais ce soutien. Ok. Hashtag qui n'a jamais sur Twitter, d'accord ? Et vous complétez et on peut en prendre au 32-28. On fait de la radio ensemble avant 8h30. Attention, on essaye de rester dans une certaine limite. C'est le problème, c'est que ça peut partir très très gore. Faut faire attention parce qu'on a tous eu des accidents des fois. Ranger les enfants. Hashtag P foireux. Bon, on partira pas là-dedans. Ok, j'ai bien compris. Non, mais qui aurait jamais jeté son calepin ? Non, stop. Vous allez partir là-dessus. Stop. On laisse les auditeurs faire. Hashtag qui n'a jamais. Pour l'instant, c'est brioche ou croissant. Tous les jours, on a une star qui vient choisir entre brioche et croissant et puis qui vient faire des choix difficiles ce matin. C'est Fred Testo. Fred Testo, il faisait le duo avec Omar et Fred, bien sûr. Il y a son spectacle Presque Seul qui vient de débuter à la Comédie de Paris. C'est un mec adorable, Fred, et qui est très drôle. Et pas que, d'ailleurs, il avait joué dans un téléfilm sur TF1 où il jouait le rôle d'un gars qui frappait sa femme. Je l'avais trouvé, mais tellement angoissant de vérité. J'adore ce mec. Voilà, Fred Testo, brioche ou croissant ? Brioche ou croissant ? Go ! Je suis plutôt croissant au beurre. Je rajoute du beurre salé dessus. Beurre demi-sel. Essence ou diesel ? Électrique. Je roule en voiture électrique. Brosse à dents à poil dur ? Ou à poil souple ? Brosse à dents à poil dur. Et personnellement, j'ai une brosse à dents en poil de sanglier. Jean troué ou pas ? Jean troué et jean rempli. J'ai les deux, en fait. Piercing ou pas piercing ? Pas piercing, mais j'ai rien contre. Assiette en plastique ou en porcelaine ? Non, donc je dirais ni l'un ni l'autre, je dirais assiette vitrée pour voir au travers. Le matin, réveil en douceur ou à fond ? Non, ni à fond, ni mal réveillé. Je suis bien, je suis content de me réveiller. Adroit ou maladroit ? Plutôt adroit la semaine et maladroit le week-end. Dormir nu ou en caleçon ? Je dors en caleçon. Et à chaque fois, tu parles comme ça ou tu parles différemment, Meryl ? Non, à chaque fois, c'est comme ça. Eh ben, tu sais quoi ? Ça peut énerver. Et vous, ça vous énerve ? Ou ça vous énerve pas ? Martin Garrix sur Fun Radio. Wake up, it's Martin Garrix with Bruno on Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love. Name of love. you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy. Je suis en train de lire sur Twitter le hashtag qu'on a lancé ce matin. Mais cette émission, c'est n'importe quoi. On a lancé ce matin sur Fun Radio, là, il y a 5 minutes, en direct, le hashtag qui n'a jamais. Il y en a. Oh là là. Il y en a, ils font peur, en fait. Non, mais surtout, c'est les mots. Gawel qui a posté qui n'a jamais curé son nez et collé le pitou sous le canapé. Le mot pitou va me faire la journée. Moi, tu sais que j'ai Juju MN sur Twitter. Et vive les pitous. Il y a Juju Yemen, si tu veux, elle a une photo de profil, elle est super jolie, elle est brune, elle a du rouge à lèvres et tout, mais vraiment la fille hyper mimi. Toi, t'es bloqué sur la photo. Et après tu lis qui n'a jamais retourné son slip sale pour le porter une seconde fois car tu n'en as plus des propres. Et là tu re-regardes la photo de Juju Yemen et tu te dis mais pourquoi ? Je l'ai vu, ouais. Mais non Juju, c'est pas ça. Du coup elle m'excite moi. Oh. Il y en a qu'on peut pas lire, hein, je vous le dis quand même. Non, mais allez voir sur Twitter avec le hashtag qui n'a jamais. Moi, je vais poser un RTT tout de suite. Oh là, il y en a des mignons après. Hein. Ouais, non, mais alors après, il y en a des. C'est jamais là, j'en grave. Ai un mignon par exemple. Il y a Cédric Bonneau qui dit qui n'a jamais touché une clôture électrique d'un pré quand on est enfant. Bah on a tous tenté avec la main de la toucher, non ? J'avoue, mais au milieu des autres, tu vois, qui parlent un peu d'autre chose, qui se noie celui-là. Il est un peu caché par les autres. J'en ai un qui n'a jamais gratté son trou de balle. Non, on les lit pas, on a dit, Elliot. On reste sur les clôtures électriques. Qui n'a jamais fait pipi sur une clôture électrique ? Voilà, pour essayer. Attendez deux secondes. Qui n'a jamais fait 2-3 coups de temps ? Ah oui, j'ai vu ça, qui n'a jamais fait pipi en éternuant. Mais à part ma grand-mère, je vois pas. Non. Bon, les amis. Allez. C'était pas une bonne idée. Non. On fait tous des erreurs, ça arrive. Excusez-moi, c'est pardon, humain. Excusez-moi, c'est pas sérieux. Excusez-moi. Il est pas crade, je vous jure, mais le mec il se lâche. Qui n'a jamais essayé le soutif de sa mère? De sa mère? Bah moi c'est pas possible. En fait on est écouté que par des psychopathes. Bah écoute, je suis chelou mais moi j'ai jamais fait ça. Qui n'a jamais coupé les pattes de son labrador pour en faire des boucles d'oreilles? Calmez-vous s'il vous plaît, je vous en supplie. On a dit qu'on parlait de clôture électrique. Bruno, allô ? Paye vos factures. Oh, il est Allez, il est mort de rire. Bon, je reprends le fil, juste pour vous expliquer comment on vous paye vos factures. Peut-être que ça va tomber sur vous ce matin. Pour ça, il faut envoyer vos factures à facture@funradio.fr. Ça marche aussi par courrier. Si vous l'envoyez à Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008, Paris. Tu vas y arriver, Bruno? Non, mais les gens sont fous, hein. Je crois que je t'ai jamais vu pleurer comme ça, Bruno. Non, non, les gens sont tarés. Oh merde! Mais le pire, c'est que je crois que tu pleures encore pour le mot pitou, non? Il aussi. Excusez-moi. On a. On part chez Marie, elle sort à court. Allez. Selon cours. Ouh! Putain, et on se dit qu'un fou rire, c'est un steak. J'ai bouffé pour deux mois, là. J'en ai chaud, dis donc. Allô? T'en as mis un autre? Allô? Marie! Oui? Bonjour, Marie. Marie, qui est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio! Oh! Ouais. Bravo, Marie. Oui. Excuse-nous, c'est pas à cause de toi. Je sais pas si t'écoutais la radio là il y a deux minutes, mais voilà. Désolé. On est en train de. J'ai eu un fou rire. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un fou rire comme ça à la radio. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Pour être très honnête. D'accord. Ok. Marie, tu m'as envoyé une. Et je peux me rebarrer à n'importe quel moment. Une facture de 225 euros. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est des places de match de foot pour ce soir, parce que je suis une grande fan de foot. Voilà. On a reperdu Bruno. On lit les hashtags qui n'a jamais sur Twitter, c'est pour ça que t'as gagné. Été dans un rayon de supermarché pour lâcher sa perlouse. Quoi? Marie, c'est deux places pour le Real de Madrid. Ouais, c'est ça. Et ben c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. Oh, super, merci. Et ben de rien, ma chérie. La chance, tu vas aller voir contre qui? Je vais aller voir contre Villarreal. D'accord. Et ben écoute, on t'envoie le chèque très vite. D'accord, ma belle. Super, merci beaucoup. Excuse-nous vraiment. Bisous, Marie. On te fait des bisous. Ça s'entendait qu'on s'en foutait de ce que je disais. Non. Si vous vous posez la question, ça s'entendait un petit peu. Attends. Sur les hashtags. Elle retourne pas sur Twitter. Ah, tu vas avoir du foot. Ouais, mais super. Allez, ça, prends ta thune et puis casse-toi. Non, je suis désolé. Mais non, mais bon, hashtag qui n'a jamais. On va essayer de le faire, sinon on remettra un autre disque derrière. Ok. Sac Noël, tout de suite, c'est trompette. C'est sur la radio. Yo, c'est la gala with the big tic tac. Je fais gimme the, head to the floor, gal, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl. Good girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Watch when you're bubbly, bubbly. Serious thing, it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get someone come trouble, trouble. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body may take up a permanent residence. Trumpets blow. l'instant sur Fun Radio, les amis, attention, puisque dans moins d'un quart d'heure, vous allez pouvoir jouer avec nous. Vous appelez maintenant le 3228. Vous êtes en Suisse ou en Belgique, 02 85 10 000. Vous pouvez jouer avec nous. Nous vous attendons pour le casse du siècle. Le lieu, l'entrepôt Cdiscount. Cestas, à quelques kilomètres de Bordeaux. L'équipe, celle de Bruno dans la radio. Les spécialistes, vous. Vous appelez maintenant Fun Radio et le 30 septembre prochain, vous serez avec nous en direct de cet entrepôt Cdiscount. Et vous aurez une minute pour prendre tout ce que vous voulez à l'intérieur de l'entrepôt. Et quand je dis tout ce que vous voulez, vous n'aurez aucune contrainte. Aucune contrainte de quantité. C'est-à-dire que vous voulez prendre 14 iPhone 7, si vous pouvez les tenir, vous pouvez les prendre, on vous dira pas non, c'est trop. Vous les prenez. Vous les prenez. Vous voulez prendre un écran 4K, un frigo américain, vous le prenez. Le seul truc, c'est que vous n'aurez qu'une minute. Attention. Pour ressortir avec votre larcin et le poser dans une drop zone. On s'en rend pas compte, une minute, ça va vite. Ça va vite, une minute. Mais vous pourrez être aidé par quelqu'un de l'équipe. Un peu comme dans le jeu des 30 secondes auquel vous allez jouer. Et pour l'instant, je suis le champion du jeu des 30 secondes, je tiens à le préciser. 32-28 pour jouer avec nous, et ça va se passer juste après les news dans 10 minutes, mais pour l'instant... C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls ? Bruno dans la radio ! Il a la classe ! 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Nous n'aurions pas dû lancer ce sujet à 8h du matin. Pourquoi ? Parce que nous nous rendons compte désormais que beaucoup d'auditeurs de Bruno dans la radio sont des psychopathes. Mais vous savez quoi ? On n'attire que ce qu'on mérite. Et on a les auditeurs qu'on mérite et c'est pour ça que je vous aime, auditeurs de Bruno dans la radio. Mais alors, il y en a quand même qui sont très très barrés. Le qui n'a jamais est parti donc de Christina. Une discussion qu'on n'aurait jamais dû donner à l'antenne, en fait, je regrette. Qui disait que voilà, elle avait regardé sa Marguerite dans un miroir voilà. Après avoir accouché en disant voilà, mais qui n'a jamais regardé sa Marguerite pour voir si tout va bien, tout est revenu en place. Et ça a été la porte ouverte à tout. Et c'est le moment où cette porte s'est ouverte et qu'elle ne se refermera plus, je pense. Non. Je pense que le qui n'a jamais, on pourra le relancer un jour. Qui vient d'ailleurs de rentrer en top tweet France, le vraiment. Hashtag qui n'a jamais. Qui tourne un peu toujours autour du même sujet. On non, voit, non, non, non, non. Y en a non. Plein, alors, y en a on plein. Va essayer de varier. De tous ceux qui parlent du caca et du pipi. Ah. Qui, bon, on en enlève déjà une bonne grosse moitié, hein, vraiment. Et on garde les autres. Par exemple, j'ai Kevin qui dit qu'il n'a jamais planté un cure-dent sur son front pour faire la licorne. Ah. Et moi, j'ai Léa qui dit qu'il n'a jamais mis son doigt à l'entrée de ses fesses pour faire un pet sans bruit. On avait dit qu'on faisait le tri, qu'on les enlevait, ceux-là. Ah oui, pardon. Ça fait partie du tri, normalement. Cédric, il est à Royan. Bonjour, Cédric. Salut. Salut, mon poteau. Allez, on t'écoute. Qui n'a jamais craché sur sa vitre conducteur pensant qu'elle était ouverte. Ah, ah oui, oui. Ouais. Ah ben moi j'ai fait un pote. Vous connaissez Elliot ? Je vous ai parlé d'un pote à moi qui s'appelle Elliot Chemlek. Je l'ai entendu parler d'Elliot. Ouais. Moi Elliot aussi. Il a fait mieux que cracher la vitre fermée lui. Il a fait un. Ah, oui. En pensant que la vitre était ouverte. Oh, voilà. Non. Et donc l'intérieur de la voiture, bah après c'est un bonheur. Voilà, non. Non d'ailleurs il a fait mieux, c'est qu'il a fait ça et après il a ouvert la vitre. Donc tu sais, c'est rentré dans la portière pour que ça sente vraiment plusieurs années derrière. Oui. Je t'embrasse, Cédric, mon pote. Ça marche. À bientôt, mon pote. On a Dorian qui est à Nice. Bonjour Dorian. Salut, salut Bruno, salut la famille. Salut. On a lancé le hashtag qui n'a jamais, on t'écoute. Qui n'a jamais accusé le chien d'avoir pété à sa place. On avait dit qu'on mettait de côté le caca, mais c'est vrai que c'est arrivé, vraiment. On a Étienne qui est à Nantes. Bonjour Étienne. Salut Bruno, salut toute la famille. Salut. On a lancé le hashtag qui n'a jamais, on t'écoute. Bah, qui n'a jamais pissé dans une bouteille par flemme de se lever du canapé. Ouais, on l'avait dit ça une fois, ouais, c'est vrai. On l'a déjà fait. Elliot aussi, tu l'as déjà fait. Non, non, moi non. Ah bon, moi je suis tout seul alors. Ouais. Déjà fait. Pardon. Il y a Cyril, c'est pas prout, c'est pas pipi. Ah, qui n'a jamais laissé une grosse trace de pouce au milieu d'un. Qui n'a jamais laissé une grosse trace de pouce au milieu du camembert dans un supermarché. Ah oui, bien sûr. Tu sais, quand tu les tâtes. Pour tâter, ouais, ouais, jamais sérieux. François Smuc, mais déjà, il a un nom drôle. Qui n'a jamais craché dans un congélateur de supermarché pour voir si ça faisait une stalactite. Quand je vous dis les gars, que c'est chelou. Rayon cul, mais Rayon, c'est une meuf qui est super belle sur Twitter. Qui n'a jamais eu envie de porter des couches pour pas aller au WC. Ah, moi c'est non, non jamais. Il y a Jazzy Baz qui dit qui n'a jamais essayé de mettre un jean sans caleçon en dessous. Alors ça, j'ai déjà essayé. Quand tu fermes la braguette, c'est très très très dangereux. Ouais. On a Johan qui est à Belfort. Salut Johan. Ouais, salut. Alors moi, c'était qui n'a jamais passé en dernier au resto pour payer moins cher. Ah, et oui, j'ai déjà visité Vacher pour... Quand tu divises, quand t'es au resto, que t'es avec des potes, tu divises, d'accord. Ouais. Et tu fais un compte. Et tu sais, les autres, ils mettent tout le temps 1 ou 2 euros de plus, t'arrondis. Ouais. Et du coup, le dernier paye toujours moins cher. Exactement. C'est pour ça que tu veux payer en dernier à chaque fois. Mais parce que souvent, quand vous avez genre des notes à 22 euros, moi, je m'en tire pour 18 en général. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est vrai, c'est vrai. Merci, bonne technique. Yann. T'as mis le doigt sur un truc. Hashtag qui n'a jamais. Il y en a plein, là, qui arrivent. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont en dessous de la ceinture. Bah, allez les voir. Hashtag, voilà, qui n'a jamais. Qui n'a jamais pété en éternuant. Ouais, c'est vrai, ça. Alors, j'ai un champion. J'ai Causarène. Fais attention parce qu'on va arrêter là-dessus. Faut que tu sois bien. Qui dit qui n'a jamais klaxonné à côté d'un enterrement en pensant que c'était un mariage. Si vraiment il a fait ça, c'est mon champion. T'imagines tout le monde en train de chialer. Ouais, félicitations. Et t'as le mec qui passe devant. Yeah. C'est horrible. Merci. Allez, voici Jonas Blow. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no game. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the language changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the language changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Me feeling this way. There's so much we can't explain. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize. Fun Radio, bonjour la famille. Beaucoup de messages là qui arrivent avec le hashtag Bruno Fun Radio. Il y a Sébastien Petit qui dit bon courage Elliot avec l'émission d'aujourd'hui pour le top 3. C'est vrai que ça va être compliqué. Bon, allez, pendant qu'il y a des gens qui passent à côté des convois d'enterrement, on va écouter AMT là sur Fun Radio. Call your name. Et puis on a besoin de vous pour le casse du siècle. On vous emmène avec nous. Vous aurez une minute pour prendre ce que vous voulez dans l'entrepôt de Cdiscount. C'est classe. Ça n'a jamais été fait en radio. On le fait pour vous. Ça se passe seulement sur Fun Radio. Vous voulez jouer, vous appelez le 3228. A tout de suite. Ce soir, 20h-22h, c'est Love in Fun avec Doc, Karel et Alice. Un message de Nathan. Salut l'équipe, je me posais une question. Doc, t'as toujours eu une voix grave comme ça ou... Ah oui, bien sûr, même à la naissance. Oui. À 22h. C'est le Night Show avec Marion et Anso. Est-ce que toi, tu as eu un animal comme ça, un petit peu spécial? Ben, je l'ai encore actuellement. Là, c'est Bernard l'ermite. Et alors, est-ce que tu lui as donné un nom? Ah oui, je lui ai donné le nom de Thierry. Ah. C'est une bonne vanne. Fun Radio. À votre avis, ça coûte combien de se faire livrer à domicile et à volonté toute l'année? 49 euros? Et non! Sur Cdiscount, c'est seulement 19 euros. Avec Cdiscount à volonté, faites-vous livrer dès le lendemain et ça toute l'année, autant de fois que vous le voulez, des millions de produits pour seulement 19 euros par an. Cdiscount?

Ils s'étaient rencontrés il y a 12 ans sur le tournage d'un film. Angelina Jolie et Brad Pitt divorcent. C'est la volonté de l'actrice qui s'inquiète pour le bien-être de leurs enfants. Des problèmes d'alcool seraient à l'origine de cette séparation. Et puis en football, la suite de la 6e journée de Ligue 1. Ce soir, Monaco tentera de conserver la tête du championnat chez son voisin niçois à 19h. Plus tard, à 21h, Marseille se rendra à Rennes et essayera de ramener son premier point à l'extérieur de la saison. Hier soir, le PSG s'est imposé contre Dijon 3-0 alors que Toulouse a battu Lille 2 buts à 1. Il est 8h35. Bon réveil sur Fun Radio avec Bruno. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls ? Bruno dans la radio ! Il a la classe ! 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. 8h35, c'est Fun Radio. AMT. Ça arrive là dans quelques secondes. Merci, hein. Putain, vous êtes en train de foutre le feu sur Twitter. C'est vrai que l'émission de ce matin, c'est un peu n'importe quoi. Je suis désolé. Mais c'est un peu le cas depuis cette année. Et je vous annonce que cette saison 2016-2017 va être culte. Il y aura Sib. Et Tal. Are We Awake. Morceau préféré de Fonfon en ce moment là. Are We Awake. J'adore. Tu es en train de me faire des signes tout à l'heure en disant ça se trouve, on n'aura pas le temps de le passer. Exactement. J'ai bien compris. Mais je vais tout faire pour qu'on puisse le passer. Allez, casse du siècle. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Steve a 29 ans, il habite à Nantes. Il est électricien. Applaudissements pour Steve. Salut la famille. Salut Steve. Salut mon Steve, bienvenue sur Fun Radio. Tu joues ce matin face à Elodie. Elodie a 25 ans, elle est à Reims, elle est infirmière. Applaudissements pour Elodie. Salut toute l'équipe. Bonjour Elodie, bonjour Steve, bonjour à tous les deux. Merci d'avoir choisi Fun Radio pour être réveillé le matin. Et surtout, merci d'avoir choisi de répondre présent à cette mission que j'ai lancée. Cette mission, c'est faire le casse du siècle. Mais pas n'importe où, à Cestas, près de Bordeaux, dans les entrepôts du numéro 1 du e-commerce en France. Ce numéro 1 s'appelle Cdiscount. Vous aurez une minute pour tenter de dévaliser le plus grand nombre de cadeaux. Électroménager, vous pouvez. Hi-Fi, vous pouvez. Technologie, téléphonie, vous pouvez. Ordinateur, vous pouvez. En une minute, vous prendrez ce que vous voulez. Et je dis bien tout ce que vous voulez. On n'ira pas compter. Vous pouvez prendre 15, 20, 30 trucs. Le but, c'est que ça se fasse en une minute et pas une seconde de plus. Mais pour ça, Steve et Elodie, il faut gagner. Allez. Au jeu des 30 secondes. Et il faut choisir quelqu'un dans l'équipe. Et comme je suis le champion en titre pour l'instant, je remets mon titre en jeu. Peut-être le record battu aujourd'hui avec une 4e victoire. Je suis obligé de jouer. Qui veut jouer avec moi de vous deux ? Moi, Bruno. Steve ? Absolument. Steve, nous serons ensemble. Ok, nickel. Elodie, qui choisis-tu de l'équipe ? Allez, pour battre mon record, Mathieu. Oh là là là là là là là là ! Pardon. Hey. Regardez le sourire sur le visage des gens qui assistent à l'émission ce matin. Ah, vaché. Attends, je me tire. Vas-y, on va tout déchirer là. Ça, on va le faire. Il faut tout donner. Hashtag bon. Moine bouddhiste. On va être hyper zen. Il faut découvrir un maximum de mots en 30 secondes avec l'un de nous deux. Qui va commencer ? Christina, tu choisis. C'est toi, Bruno. Je commence avec Steve. Steve, je ne connais pas la liste des mots. Le chrono se met en route et je lis la liste au top chrono. T'es prêt ? Ok, je suis prêt, Bruno. Top chrono, c'est parti. Ah, il vient de divorcer avec Angelina Jolie. Très bien. Une femme, quand elle met un bébé au monde, on dit qu'elle a... accouché. Très bien. Sur la mer, pour voyager, on prend un... bateau. Ouais, un arbre, il est accroché au sol par ses... racines. Très bien. Quand on dit qu'on a renfermé quelqu'un, on dit on l'a... Le Tour de France, ça s'appelle la Grande... boucle. Ouais, très bien. Donc, très bien. Ça pend du nez, c'est là. La morve. Oui. Alors, il est passé ou pas, Karina? C'est Karina qui est juge. Ah, c'est dur. C'était sur l'explosion. Ah, donc alors ça compte pas. Donc malheureusement, d'accord, ça compte pas. Bon, ça nous fait combien de bonnes réponses? 5 points, les garçons. Oh là là. Ok, c'est cool déjà. Putain, et bravo, parce que le bouclé et le racine, ouais, fallait le chercher hein, quand même. 5 points, Steve. Bravo, quoi qu'il arrive, bravo. Elodie. Allez, on va battre encore. Il faut faire mieux que 5. Avec Vaché, tu es prêt ? On va faire tout ce qu'on peut, Elodie. On est des warriors. Ça marche, allez. Ouh, Qui n'a jamais attendu que Vacher perde au jeu des 30 secondes? Non, c'est un winner aujourd'hui, il va gagner. Allez Vacher, on est avec toi. Merci ma poule. T'es prêt? Top chrono, c'est parti. Alors, c'est pas l'Est, c'est l'autre côté, c'est... Ouais. C'est... quand tu fais... Je sais pas si on a le droit, ça veut dire quoi? Ouais, c'est quoi le verbe? Siffler. Ouais. En judo, pour te faire tomber, il faut faire des... Des quoi de judo? Des... Des prises. Ouais. Sous la chaussure, il y a là... Ce qui touche... Femelle. Ouais. C'est pas comme de l'ail, faut le couper. C'est pas de l'oignon, c'est un de... Un oignon. Non, c'est l'autre. De ça ressemble. Ouais. Les coquillages, ils ont une... Ah non, merde. Stop. Les biceps, c'est des muscles. Ouais, muscles. Vas-y. Elle a dit muscles, non? Ou c'était moi? Égalité. C'est pas mal. C'est pas mal. Il faut vous départager, Elodie et Steve. Et c'est Elliot qui va vous départager. Ah, merci, ça me permet de jouer, Bruno. Ça veut dire que il n'y aura pas de 4 victoires pour moi déjà, puisque pas de victoire. Steve, Elodie, celui qui sera le plus rapide à répondre à Elliot viendra avec nous à l'entrepôt Cdiscount faire le casse du siècle. Vous êtes prêts? On est prêts. C'est parti. Alors ça se trouve sur un lit, c'est le soir quand vous dormez, vous dormez sur un matelas. Non, c'est sur la tête. C'est pour soutenir la tête. C'est pour soutenir la tête. Un oreiller. Non, c'est un synonyme d'oreiller. Un ouais, elle l'a dit. Et Elodie, c'est gagné. Bravo. Ouais, t'as gagné. Non, c'est toi qui as gagné. C'est toi Elodie, la meilleure, on le sait. Elodie, c'est toi qui as gagné. Elodie, tu seras avec nous le 30 septembre prochain pour venir faire le casse du siècle à l'entrepôt Cdiscount. Ah, c'est génial, merci beaucoup. Et il faut que tu t'entraînes. Hein. Faut courir vite, va falloir faire un peu de sport, de la gym pour pouvoir porter des choses lourdes, etc. D'accord, ma belle? Ouais, ça marche. Pas de problème. Je te fais des bisous, rendez-vous dans 10 jours. Muscu intensif pendant 10 jours. Ouais, je te confirme. Steve? Ouais. Bah oui, mec. L'important, c'est de participer. Putain, tu sais que t'as perdu sur la morve. T'aurais balancé la morve un peu plus tôt et on était bon. On t'embrasse, mon poulet. Bah, il est déçu, mais c'est la règle. Et un petit, ça arrive sur Fun Radio. Est-ce qu'on se refait une petite série de hashtags qui n'a jamais ou pas? Oh, oui. S'il te plaît, allez. Bruno. Luzman au standard, on peut en récupérer quelques-uns? Bah oui, bien sûr. D'accord. Et tu m'en choisis des pas trop gore. Oh là là, il y a des malades, hein, je suis désolé. T'en mets un petit gore au milieu, mais sinon des softs. <Okay. rire> On revient sur Fun Radio après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Il y a toujours un petit au look irrésistible dans la classe de nos enfants. Les parents doivent se ruiner. Et non, ils profitent des Original Days chez Tape à l'œil. Les magasins 100% mode de 0 à 14 ans. Jusqu'à moins 50%. Oui, jusqu'à moins 50%. Les Original Days jusqu'au 26 septembre chez Tape à l'œil ou sur t-a-o.com. Valable sur produits signalés dans les magasins et sur le site Tape à l'œil. Le mois Carrefour. Pendant le mois Carrefour, il y a de nouvelles promos complètement renversantes. Oui, aujourd'hui par exemple, pour l'achat d'un bloc de foie gras mi-cuit de la Maison du Foie Gras, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. C'est parti ! Génial ! Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Bloc de 180 grammes, plusieurs variétés, dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Carrefour. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun. Fun Radio ouvre sa boutique officielle. All we need to start is le shop. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir en exclusivité la collection complète de t-shirts, sweatshirts, mugs, coques et autres accessoires aux couleurs de Fun Radio. Fun. Mais c'est énorme. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Alors passez en mode fun maintenant. Maintenant sur funradio.fr/shop. Fun Radio. Fun. Gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Fun Radio. Le son dance floor. 8h47, c'est Fun Radio. AMT, ça arrive dans quelques secondes. Call your name. Ebrice, Sib. On a lancé ce matin à 8h le hashtag qui n'a jamais. Et je crois que nous n'aurions jamais dû ouvrir cette porte. Non, non, non, non. Je crois que c'est un hashtag qui va revenir. On le refera de temps en temps dans l'émission, un peu comme le Tog Live qu'on avait lancé, parce que les amis, mais je pleure de rire depuis une heure. Alors, ça nous fait rire, mais c'est vrai qu'on n'aurait jamais dû, parce que on découvre certains d'entre vous, et parfois ça fait un peu peur, ouais. Et on découvre aussi certains membres de l'équipe qui ont tendance à trop se livrer avec ce hashtag. Ouais. Franchement. Je suis d'accord. Il y en a qui arrivent là sur Twitter, hashtag qui n'a jamais réveillé ses enfants à la tronçonneuse. Bah, personne. Personne, je pense. Mais allons voir ce qui se passe du côté du standard. Titouan a 15 ans, il est à Reims. Bonjour Titouan. Salut la famille. Coucou. On t'écoute mon pote. Donc moi c'est qui n'a jamais essayé de tapoter son portable pour qu'il marche mieux. Bien sûr. Mais alors ça, et je t'explique. Ça marche avec le portable, avec la télé, avec plein d'appareils. Le premier réflexe c'est... Hop, tu tapes en te disant ça va repartir, comme par magie. C'est même dans ta voiture, quand la voiture démarre pas... Tu tapes sur le volant et c'est vrai que bah, tu te dis à quoi bon inventer des garagistes alors que si tu tapes dessus, ça remarche. Bien sûr. C'est vrai, Titouan, ça marche. Je te fais des bisous, mon pote. Caroline à Nice. Bonjour, Caroline. Salut. Hashtag qui n'a jamais, Caroline. Qui n'a jamais passé une nuit blanche à mater une série alors que le matin, on a dit bah, allez, je me couche tout. Ah, grave. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai eu ça cet été. Ça s'entend, là, non ? J'ai eu ça cet été avec Stranger Things. Ah ouais, ouais. Stranger Things, je l'ai bouffé en 24 heures. C'est bien. Ouais, voilà. À l'inverse, moi, je commence à regarder les premières minutes de Joséphine Ange Gardien, je dors direct. Voilà. Ça me fait passer des bonnes nuits. Caroline, on te fait des bisous, ma chérie. Andy est à Nantes. Bonjour, Andy. Bonjour, la famille. Salut. 21 ans, Nantais, Andy. Hashtag qui n'a jamais. Qui n'a jamais checké Tinder pendant la grosse commission. Tinder pendant que tu fais caca. Non, c'est son délire, c'est ça que t'as dit. Hashtag mais... toujours célibataire. Mais non, mais Ah d'accord, j'avais pas du tout compris. T'es aux toilettes et tu vas sur Tinder. Bah, et moi, faut savoir, alors je le dis aux auditeurs de Fun Radio, hein, les trois quarts des messages, moi j'y réponds sur les toilettes. Hein, ouais. Et le pire, franchement, moi là où ça m'a vraiment choqué, c'est quand c'était pour les messages d'anniversaire sur ma page Facebook et que tu réponds genre merci, ça m'a beaucoup touché et que tu dis putain, je suis vraiment aux toilettes. Hein, on te fait des bisous, Andy. Il y a Honorine, 17 ans, elle est à Braise. Bonjour Honorine. Bonjour tout le monde. Salut. J'adore ton prénom, Honorine. Ah, ben merci. Hein. Eh ben, y a pas de souci. Honorine, hashtag qui n'a jamais. Qui n'a jamais éteint son réveil et se disait hop, encore 5 minutes au lit. Hein. Oh, ouais, ben ça, bien sûr. Et là, tu te rendors 1000 heures. Moi, c'est le résumé de ma vie, moi. Moi, vous avez combien de réveils le matin? Moi, j'en ai qu'un seul. Moi, j'en ai 5. Je me lève juste après. Moi j'en ai 8. Alors moi j'ai deux trucs, j'ai mon radio réveil, donc il y a Fun Radio qui s'allume, hop ça me réveille. Après j'ai 5 réveils sur mon portable et un dernier de secours sur mon autre Moi j'ai mon grand réveil et 8 réveils sur mon portable. Mais vos meufs, elles doivent vous maudire le matin, non? C'est comme ça, écoute, un réveil à 3h30 et puis c'est tout. Honorine, je te fais des bisous, ma belle. Hashtag qui n'a jamais. Voilà, il y en a plein là qui sont arrivés. Vous me faites plaisir. C'est bizarre que Johan n'ait pas appelé parce qu'il était mignon. Il avait dit qui n'a jamais comparé la taille de son zizi avec celui de son chien. Je veux pas qu'on rentre dans les animaux, d'accord? Non, mais comparé, attention. Puisque hors antenne, nous avons une déclaration d'Eliott. Et je ne pourrais pas le dire à l'antenne, quoi qu'il arrive. Ah ouais, non, on peut pas. Mais je peux vous dire que ce hashtag qui n'a jamais nous a fait découvrir des choses, vraiment. Ah oui, celle que Vaché a fait aussi, là. Non, non, mais on raconte pas. Des fois, le hors antenne, c'est bien. Si on a des bracelets électroniques, c'est qu'on peut pas en parler à l'antenne. Ils sont faits pour ça. Hashtag qui n'a jamais. Ben, on est en top tweet France, les amis, là, depuis plus d'une demi-heure grâce à ça. Merci à vous. AMT, Call Your Name, et juste derrière le JPI sur Fun Radio. We'll stay together, always. True love forever, we'll stay. No matter what they say, yeah. We'll live a life the same way. Je rêve d'elle de jour comme de nuit. Je vis ma vie sans faire de bruit. Aisance et élégance, yeah. Elle perturbe mes sens, yeah. C'est Fun Radio, il y en a tout plein là qui arrivent des qui n'a jamais. J'en lis encore là sur Twitter. Cécile qui dit qui n'a jamais dit bah pourtant j'ai des sous dans ta carte bleue, mes paiements refusés dans un magasin. Évidemment, pas ça. Mais tout le monde. Sib, ça arrive, c'est Brice, c'est sur Fun Radio. Mais pour l'instant, c'est le JPI. Fun. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, la ville de Châteauroux a engagé une procédure pour s'appeler Château Blond Vénitien. Syrie, en Syrie, un convoi humanitaire a été touché par un bombardement. Mais Brad Pitt et Angelina Jolie divorcent. Alors vos bombardements en Syrie, on en parlera plus tard. Hein, question de priorité peut-être. Télévision le jeudi 13 octobre à 14h. Cyril Hanouna débutera une émission spéciale de 35 heures, soit 2 heures de plus que d'habitude. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, c'est à quel sujet ? Au sujet de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, Anthony. Ah ok, c'est à quel sujet ? De la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. C'est parfait, du coup, c'est à quel sujet ? Bon bah laissez tomber, vous savez quoi. Et pour finir, si vous aimez les homosexuels et le tennis, faites votre coming out ! Rapport au tennis. Il crie pas fault. Ils disent aussi out. Out. Ça dépend. C'est une vanne qu'il faut. C'est pour nos amis anglais. C'est-à-dire qu'en France c'est un bide, mais par contre on l'a refait celle-ci à l'étranger. Je peux te dire. Ouais. On vise New York, nous. Hein. Hollywood. Ah, ils doivent être contents les Anglais en France. Allez, c'est Fun Radio, c'est Sib. Tout de suite avec Brace. Il y a le top 3 d'Eliott qui arrive et il s'annonce cultissime ce matin sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen up. Et les amis, j'ai un truc qui va vous changer la vie, je vous le balance sur Fun Radio là dans moins de 5 minutes. J'ai trouvé l'astuce pour toujours choisir la bonne file au supermarché. Il y a des trucs, tu vois, il y a des vrais sujets, vous allez écouter France Info, ils vont vous donner des trucs un peu pointus, mais à l'arrivée, vous n'allez rien retenir. Là, ce sujet-là, vous vous dites, ah bah oui. Ah ouais. Ah bah oui, s'il te plaît. Fort. C'est quand t'achètes juste ton truc de Kinder Bueno et que tu dis, putain, quelle caisse choisir et que t'as pas envie d'attendre 1000 ans parce que t'as qu'un article, et bah je vais t'expliquer comment. C'est gentil. Puis il y a le top 3 d'Eliott qui arrive également. Il va être énorme. Et Sound of Legend, vous écoutez Fun Radio, on revient juste après ça. Salut, c'est JB, c'est Adrien Thomas.

Vous écoutez Fun Radio, bon réveil la famille, il est 9h04, bonjour. Bonjour. Le son d'espoir de Fun Radio. Dans la demi-heure, reprise de Eiffel 65 par Son of Legend. Il y aura Major Lazer avec Justin Bieber qui est en concert hier soir. Je voulais qu'on ait ce matin l'auditrice à qui on avait fait gagner les places pour Justin Bieber, Luzman. Oui. Et ben alors, elle est où? Je sais pas. Elle est où, Capucine? Capucine, qui était grâce à nous, on lui avait payé tout, l'hôtel, le transport. T'avais dit, oui, on l'aura au téléphone ce matin à 8h. Oui. Mais pourquoi on l'a pas eu? Bah, j'ai oublié. Bah, appelle-la, Nico. Bah, c'est ce que je fais, Ok. Tu l'as oublié. Très bien. Bien, tu vois ce qui est en train de se passer. Regarde, Luzman, regarde-nous. On te fait tous un coucou. Le train du succès est en train de partir. Nous sommes dans cette locomotive qui nous amènera peut-être un jour à la télévision. Qui nous amènera peut-être un jour aux marches de Cannes avec toute l'équipe, Vaché, Christina, Elliot, l'équipe du web. Mais également Fonf, Amélie du Standard qui sera avec nous. Il y aura l'équipe du JPI, nous serons pris en photo. Nous dirons bonjour. Les gens applaudiront et toi, tu seras dans ce petit appartement de 7 mètres carrés devant une télé en noir et blanc avec un canevas, un taureau posé dessus que t'as offert ta grand-mère après un séjour en Espagne. Et tu nous regarderas en mangeant des pâtes en te disant « Mais si j'avais pensé à appeler Capucine ce jour-là, peut-être que je serais aujourd'hui avec eux sur les marches du succès. » Et nous, on fera des soirées. On fera des soirées avec Jean Dujardin, Ryan Gosling, Laurent Ournac. Ils seront tous là, les plus grands. Au revoir, Louze. Le pauvre. On dirait bien, tu vas nous manquer, mais c'est pas tellement vrai non plus. Oh, vous êtes chiant quand même. On l'aime, notre Luzman. Luzman, c'est, oui. C'est de l'humour. Regarde ça. De toute façon, il nous faut un quota. On est obligé de le garder, je crois. Non. Non, mais je te jure. C'est le patron. Il est attachant, il est brave. C'est Tristan qui m'a dit ça. On est obligé. Bah attends, c'est normal. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Bonjour. Y a Elliot. Bonjour Bruno. Mais moi je dis rien sur Luzman parce que j'étais un peu comme lui avant. Mais ça c'était avant. Tu veux dire hier? Les amis, je suis tombé sur une astuce pour toujours saisir la bonne file au supermarché. On est d'accord que ça fait partie. C'est un vrai sujet de société. Non mais il y a une malédiction en fait. Bien sûr. Là-dessus. Mais... Et donc il y a un mathématicien qui a tenté de résoudre cette douloureuse équation. Il s'appelle Dan Meyer. Il a vraiment fait une étude, d'accord? Par exemple, toi t'as tendance à choisir quel file? Bah, celle qui te donne l'impression d'aller le plus vite, en fait. C'est-à-dire sauf celle qu'au moment où il y a plein de gens qui ont des petits trucs. Ouais. Par exemple, t'as une vieille dame qui a un caddie qui est rempli jusqu'à la gueule. Tu vas pas derrière. Caddie dans lequel, d'ailleurs, histoire de faire une vanne, t'as logé des préservatifs. Bien sûr. Ouais. Ça, c'est une vanne, ça marche toujours. Vraiment, voir une vieille dame qui fait « Qu'est-ce qu'on se fait ?» Non, mais en général, t'évites d'aller, d'ailleurs, derrière les personnes âgées, parce qu'en plus, elles sortent toutes leurs petites monnaies, leurs coupons de réduction, tout ça. Tu sais que ça va prendre 1000 ans, quoi. Mais bon, tu te trompes tout le temps. Eh bien, sache que justement, vous le dis, c'est le résultat de cette équation, il vaut mieux choisir la caisse où il y a un caddie tout rempli que celle où il y a plusieurs personnes qui attendent avec des petits trucs. Ben oui. Parce qu'il a fait un calcul et en fait, tu te rends compte qu'entre le temps du bonjour, bonjour, vous avez votre carte, oui, je l'ai pas, non, machin, hop, sac, ok, machin, ça prend plus de temps que la personne qui arrive, qui a son gros caddie, bonjour, qui sort tout et qui range. Voilà, hop, merci, bonsoir, à la prochaine fois. Vous avez l'info du jour, les amis. On peut partir sur le top 3 d'Eliott. C'est parti. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Gracias mucho. Si le jingle pouvait éviter de me couper. Off, tu sais, bien souvent, on a été sauvés par les jingles, Eliott. Ça veut dire que ta technique, elle marche pas pour l'autoroute. Je viens de dire pour attendre au supermarché, Elliot. Est-ce que vraiment tu m'as entendu dans une phrase citer le mot autoroute? Non, mais à c'est moins le même que tu arrives avec un caddie rempli de courses au péage de Saint-Arnoux en disant les gars, j'ai fait une erreur, où est-ce que j'ai mis ma voiture? Bon. Mais sinon, ça ne marche pas. Moi, je suis déçu alors. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot, c'est le top 3. Numéro 3. Loin de moi l'idée de vouloir gâcher un mythe, mais bon, c'est vrai que Vaché, Nicolas le pervers, Teddy l'américain se ressemblent un peu. Je sais pas, Bruno, qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce sujet? Il serait issu de la même personne? Ou de la même famille, de la même descendance, peut-être. Enfin bon, en tout cas, ce matin, ils sont tous arrivés d'un coup. En même temps. En même temps, il y a Nicolas le pervers qui a amené Teddy l'américain. Et après, ça a carrément continué. C'est le passage que j'ai pris. Il y a eu d'autres personnages. C'était à peu près énorme. C'était une sacrée cacophonie, réécoutez. Oh, on se croirait sur TF1 animé par Jean-Pierre Foucault. C'était une sacrée cacophonie. Allez, on y va. Le jour, on va examiner l'intérieur de. Ça va être compliqué, hein. Il y aura un vieux professeur qui viendra l'examiner. Bonjour, je suis le professeur Jean-Jacques. Effectivement, j'étudie le trouble des personnalités. Oui. Alors là, on avait un personnage qui passait effectivement d'un pervers, je crois, c'est ça. Bon, excusez-moi, j'ai passé l'âge. Un Américain qui est sur sa moissonneuse batteuse. Je ne comprends pas, en fait. Sûrement, ça s'étudie en psychologie. Bien sûr. Moi, je suis à la Sorbonne. Hein, vous avez étudié la psychologie, professeur, oui. même sur des jeunes. Qu'est-ce qu'il a, ce professeur? Sur des jeunes de banlieue qui est un peu difficile. Ouais, non, c'est clair. C'est clair que moi, je suis souvent le professeur. Parce qu'il m'étudie, c'est vrai ou c'est pas vrai, professeur? C'est tout à fait vrai, Jérémy. Oui, c'est vrai, Jérémy. C'est mon patient type. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que depuis que je connais le professeur, frère, je me sens vachement bien, en fait. Bon, allez, ça suffit. Oh putain, c'est qui? Yeah, I wanna fuck Elliot, you know, man. Oh putain, excusez-moi, je suis perdu. Beaucoup, beaucoup trop de monde dans cet esprit torturé. Numéro 2. Alors, comme tu l'as dit hors antenne aujourd'hui, il y a eu de tout dans cette émission. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai bien aimé cette émission ce matin. On a ri, mais pas que. La chanson du jour, tu vas nous sortir. Bah, bien évidemment, Madeleine, 12 ans, a appelé sa mère, Sophie, 37 ans. C'est fou, à 2 ans, d'avoir autant de maturité pour avoir eu le recul de nous appeler et demander de s'excuser, tout simplement. C'est ce qu'elle a voulu faire aujourd'hui, parce qu'elle a eu un comportement horrible, elle a eu des mauvaises notes, elle parlait mal, elle sortait des gros mots. Et sa mère a été top dans la réaction. On peut réécouter le moment ? Bien évidemment. On a pleuré. Sophie ! Oui ! T'es en direct avec Madeleine. Non mais bon, vous me trouvez emportée. Mais pourquoi ma puce ? Mais n'importe quoi ! Mais n'importe quoi ma puce ! Oh. Mais je t'aime ma puce, mais peu... Oh. Mais Madeleine ! Mais faut pas pleurer ma puce, arrête. Mais je voulais passer par Fun Radio parce que j'arrivais pas à te le dire en face et je t'aime maman. Mais n'importe quoi, faut pas dire... Oh. C'était beau. Hein. Moi, j'ai pleuré ce matin. Elle était tellement chaud. Hein. J'ai pleuré deux fois. Numéro 1. J'ai pleuré d'émotion ce moment-là et j'ai eu, je crois, je vais être très honnête avec vous, je crois mon premier gros fou rire en radio. Oui, ah, oui, je pense, ouais. Non, ouais. T'en as de temps en temps, mais là, aussi longtemps, non. Incontrôlable, non, c'était la première fois, je crois. Ouais, la dernière fois, c'est quand tu rigolais une de mes blagues, vu que je suis super drôle, ça tout le monde le sait. Enfin bon, non, là, on a lancé le hashtag qui n'a jamais. C'est vraiment une porte ouverte, je crois qu'on aurait jamais dû ouvrir, Bruno. Ouais. Mais on le refera parce qu'on s'est bien marré. Sauf que on s'est laissé cueillir parce que après on a arrêté d'être vulgaire, mais c'est vrai qu'au début la plupart des tweets qui sont arrivés c'était un peu en dessous de la ceinture. Alors je me suis permis de le remettre. Si vous avez des enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Normalement ils sont à l'école, sinon on s'en fout. Ouais. Hein. Si vraiment ils sont pas à l'école à 9h, ils peuvent entendre des gros mots, ils sont plus à ça près. Ah ouais, de toute façon on sait très bien que vous les connaissez, on sait très bien. Allez, balance. Qui n'a jamais curé son nez et collé le pitou sous le canapé? Le mot pitou va me faire la journée. Moi, tu sais que j'ai Juju MN sur Twitter. Et vive les pitous. Il y a Juju MN, si tu veux, elle a une photo de profil, elle est super jolie, elle est brune, elle a du rouge à lèvres et tout. Mais vraiment, la fille hyper mimi. Tu t'es bloqué sur la photo. Et après, tu lis qui n'a jamais retourné son slip sale pour le porter une seconde fois, car tu n'en as plus des propres. Et là, tu re-regardes la photo de Juju MN et tu te dis mais pourquoi ? J'ai vu, ouais. Mais non, Juju, c'est pas ça. Du coup, elle m'excite, moi. Oh. Il y a Cédric Bonneau qui dit qui n'a jamais touché une clôture électrique d'un pré quand on est enfant. On a tous tenté avec la main de la toucher, non? J'avoue, mais au milieu des autres, tu vois qu'il parle un peu d'autre chose, qui se noie celui-là. Il est un peu caché par les autres. J'en ai un qui n'a jamais gratté son trou de balle. Non, oh, non. On a été un peu loin. Oh la panique. Moi j'ai ri. Ouais. Bah franchement c'est bien marré. J'espère que vous aussi en tout cas. Les amis, nous allons partir, mais avant de partir. Regardez derrière le train du succès, le gars qui court. Attendez-moi, c'est Louzman. Allez, montez avec nous Louzman. Allez, monte. Bonjour Capucine. Bonjour. Bon Capucine, je rappelle, t'avais fait la chanson du jour chez nous. Tu voulais appeler ta mère pour la persuader de t'amener au concert de Justin Bieber, ou en tout cas qu'elle accepte de te laisser partir avec ta meilleure amie et sa mère. On avait dit ok, on paye le train, on paye l'hôtel, parce que t'avais déjà tes places. Et donc t'étais au concert hier soir? Oui, c'était hier soir. Alors c'était comment? Franchement c'était genre carrément bien. Il y avait beaucoup de monde, mais l'ambiance elle était ouf et c'était carrément bien. Bah, t'as réussi à prendre des photos un peu ou pas? T'étais bien placé? Ouais, j'ai pris des vidéos, des photos et on était bien placé en plus, donc ça va, on voyait bien. Bon, et il a chanté tous les titres que t'aimais bien ou pas? Ouais. Il chante les anciens, est-ce qu'il chante les vieux? Ils chantent ça. Baby boyfriend. Ouais. Et alors, et les gens, parce qu'ils ont vieilli les fans depuis. La fille à côté de nous, elle a tout chanté sauf Baby. Toutes les filles, elles avaient à peu près notre âge, donc ça va. Il y avait une ambiance de fou. Bah écoute, on est content que t'aies kiffé en tout cas, Capucine. On te fait des bisous, ma belle. Personnellement, je préférais la partie où on parlait doigts dans les fesses. chacun son truc. On est parti. Mais vous me refaites mes matinées à chaque fois. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, mon Mika, ça va bien. Moi j'en ai un qui n'a jamais. Ouh. Je reviens dessus, je peux? Ah bah tu peux sûr. Complètement. Attends, je te donne mon tweet. Qui n'a jamais essayé d'avoir un compte rond quand on fait le plein d'essence? Bien sûr, mais ça c'est voilà. Moi, c'est moi, c'est le résumé de ma vie, moi. Il est tellement sage. Et quand il arrive, t'es tellement content. Mais Mika, vous qui vous déplacez souvent avec l'animal, le cheval, là, on peut faire un plein sur un cheval? Alors non. Vous avez déjà essayé? Il paraît qu'il sourit. Tu sais bien. C'est une expérience. Essayez à la maison. Tu sais bien que je n'ai pas que des chevaux. Il y a une voiture. Ah, d'accord, vous déplacez quand même. Vous avez quoi comme marque de voiture, vous les châteaux? Oh, j'en ai une bonne dizaine. Enfin, c'est pas mes collections. Hein. On les achète pour moi et on me conduit. Merci. Comme ce matin. Comme le disque part. Ah bah, tu coupes plus pas son micro quand même. Ah bah si, parce que du coup ça fait chier quoi, parce que je peux plus parler. Donc. Ah, il est mignon le fauf. Allez, voilà. On sera là demain à 6h. Bisous les amis. Bisous. Voici Sound of Legend sur Fun Radio. Bisous la famille. Bisous. Ciao. Mika, bonjour. C'est parti pour le 9-12, on y va. Fun Radio. J'aime bien le mercredi, je suis content de vous retrouver. Mercredi donc aujourd'hui, on le voit le week-end qui arrive. Bon courage à vous tous si vous êtes en direction du boulot. Plus de 40 minutes de son dance floor non-stop. Dans quelques secondes, voici les miennes avec Kungs qui sera demain l'invité de Bruno dans la radio. Ce sera avant 9h, il va peut-être chanter ce morceau. Kungs, le voici, et puis le duo Major Lazer, Justin Bieber. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me, save me. The Parakeet. Feder.